c'est fini pour ce soir. Merci encore, pure soirée avec vous comme tous les soirs avec le doc, avec Karima. Oui. Merci à vous tous, hein. Ça fait plaisir que vous soyez là tous les soirs et de plus en plus nombreux entre 20h et 23h du lundi au jeudi. Love in Fun sur Fun Radio. On revient demain, bien sûr, hein, dès 20h sur Fun Radio. Mais là, Mickaël, bien sûr que je suis là. On a quelqu'un pour toi là. Ouais. Ah bon? Fan de toi. Hein. Mais on va quand même le prendre. Par contre, Rudy va pas pouvoir t'entendre puisque t'es dans le studio d'à côté. Ah oui, Mickaël. Merde, bah dommage. Il voulait parler de quoi? Mais Rudy... il voulait te déclarer sa flamme. Ah, génial. Il a toujours eu beaucoup de chance. Il adore ta bouche. Ah, il adore ta bouche, oui. Me voilà ravi. Il est ravi. Il est ravi. Quelle bonne nouvelle. J'aime bien sa barbe et je like la page Mickaël presque tous les jours. Je vois sa tête. Il faut qu'il arrête de mettre des photos provocantes. Hein. Ah oui, je vais directement me raser, moi. Excusez-moi. La dernière fois, il était dans sa voiture. Il a laissé une glace à la vanille. Ça m'a beaucoup plu. Quelle horreur. Mickaël. Rudy aime les insultes. Oui. Ah oui, écoute, très bien, écoute, pas de problème. C'est le pourri de patate. Voilà. J'en ai plein. Tu peux être gratté, gros con. Ah oui. Voilà. Et il peut tout faire. Il t'envoie plein d'insultes, Rudy. Qu'est-ce que tu lui dis? Work bitch? Oui, work bitch. Moi je vais baiser ta mère, non? Oui. Écoute, il en veut. Moi. Vous en avez beaucoup en magasin. Ah oui, t'inquiète pas, on a tout. Ça y est, pas de problème. Par contre, c'est quoi vos idées d'insultes pour moi? Parce que lui, parce que mon personnage, il me dit plein d'insultes. Il me dit obéis, salope, fais la chienne, fais ce que je te dis. Mais moi, j'ai rien à lui dire, moi. Oui, mais il peut pas m'entendre, c'est dommage. Non, c'est dommage. Tu sais, parfois c'est quoi, il va falloir que tu rappelles pendant l'émission de Noël. Je pense que je vais lui donner le numéro de téléphone du doc qui lui donnera certainement un autre numéro pour une petite conversation privée. Oui, bien sûr. Non, consultation, mais. Je lui donne ton numéro privé, d'accord. Mais oui, bien sûr, je l'enverrai chez toi, ne t'inquiète pas, doc. Tu sais bien que tu es là pour rendre service. Voilà. Quoique Karel aussi, éventuellement. Non, c'est bon, moi j'ai déjà donné tout à l'heure. Mickaël me protège, ça fait plaisir. J'en veux plus. Écoute, je vais pas te l'envoyer, Karima, c'est non, pas bien. Non, ça l'intéressera pas, surtout. Bah, c'est ça, oui, mais voilà, c'est ça. Mais bon, il aime beaucoup ta bouche, Mickaël. Oui, mais c'est un signe qui ne trompe pas. Oui, ça doit être ça. Ouais, mais il y a Toff et Recto Verso aussi. Ouais. On trouve des solutions. Voilà, ouais. Moi, je prends Karima, moi. Mon polo. Ils font des trucs bizarres à la machine à café, a priori. j'ai vu ça. Ah, t'as vu, Karel était moi. On discute. Il y a pas que des discussions. On apprend à se connaître. Ouais, voilà, exactement. Allez, rendez-vous dès demain. Bonne soirée. À demain, tout le monde. Salut. Ciao. Quand elle le suce, on comprend pourquoi elle aime ça. Tous les soirs, Fun Radio. 23h, 2h. Nos limites. Mickaël. Sur Fun Radio. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Super cool de vous retrouver là pour une nouvelle émission. J'espère que vous avez passé une bonne journée à l'écoute de Fun. Et puis si vous étiez au Bahut, vous avez passé une bonne journée quand même. Soyez les bienvenus en tout cas dans Mickaël No Limit. Alors moi c'est Mickaël, pour ceux qui viennent de débarquer. On est ensemble du lundi au jeudi, 23h, 2h, ça c'est les horaires. Et puis le dimanche également, on est là tous les soirs, tous les dimanches soirs de 20h à minuit. Donc si vous voulez venir délirer avec nous, rien de plus simple. Vous faites le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0. Et puis vous arriverez là maintenant comme ça au standard, comme Fred qui est avec nous, le Marseillais. Salut Fred. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Oui, ça va bien. T'as suivi un peu le foot ou pas la soir? Ah non, pas trop. Ah bien. L'équipe de France a gagné à 3-0. On a gagné là. 3-0. Alors la Belgique par contre, un partout. Bon, certes, ils sont qualifiés. Ouais, mais ils auraient quand même pu faire un effort et gagner quoi, tu vois. Ouais. En plus, c'était au stade, à Bruxelles. Ouais, enfin, de toute façon, pour ce qu'on va faire au Brésil. Oh, t'emballes pas. Tu vois, t'es défaitiste. T'es défaitiste. Difficile et défaitiste. Voilà. Et du coup, j'aimerais que vous me teniez au courant également, parce qu'il va y avoir les trucs pour les barrages. Je veux savoir comment ça va se passer avec le Portugal. Parce que je sais qu'ils sont second, donc ils vont se taper un match barrage. Mais contre qui? Donc là, j'ai mis la télé, mais si jamais je vous voyais l'info avant moi, n'hésitez pas. Hashtag et Mickaël, tenez-moi au courant, évidemment. Bon, ça va bien, Fred? T'as passé une bonne journée? Ouais, impeccable. Bon, tant mieux. Sandro aussi a passé une bonne journée? Ouais, très bien. Bon, et comment va l'homme le plus insulté d'Europe? Écoute, il va bien. Allez, vos fautes. Est-ce que tu savais que... Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Non. Tu savais ça? Non. Ah bon? Ça alors, c'est un truc de fou. C'est une grosse salope. Ah, ça par contre, il savait. Hein. Donc oui, l'appel masqué, démasqué, bien sûr, c'était hier soir. Un grand moment pour ceux qui n'étaient pas dans l'émission hier soir. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Voilà. On l'est trouvé sur Colombo. Et donc, on remettra l'appel tout à l'heure, parce qu'il y en a plein qui voulaient le réentendre. On remettra ça tout à l'heure sans problème. Il y a également, évidemment, notre ami Polo, bien sûr, hein, ce grand poète. Et musicien. Ce grand musicien également, voilà. Tout à fait. Et oui. Tu follow back les failles, les filles par derrière. Ouais, les failles. Ouais, les failles. Ouais, les failles. Et moi, les filles peuvent jouer. Un appel masqué peut être démasqué. Oui, je le savais. Ah d'accord. Okay, les filles peuvent bien. Jouer de mon pipeau si elles veulent. Bien sûr. Je peux leur prêter. Voilà. Peuvent donc, le mettre dans la bouche. Follow@funradio.fr. Oui. Exactement. Oui. Et puis n'oubliez pas aussi le top tweetos ce soir. Alors si vous connaissez pas encore le principe, il faut simplement faire un maximum de tweets avec le hashtag Mickaël. Et puis à la fin de l'émission, on donnera le top 5 de ceux qui ont été les plus actifs. Les meilleurs auditeurs de la soirée avec le hashtag Mickaël sur Twitter. Alors soyez au taquet hein, puisque hier c'est encore Let's Be Freaks qui a de nouveau donc fini première. Si vous voulez tenter de la dégager, eh bien un seul moyen, eh bien il suffit simplement de mettre le hashtag Mickaël sur le Twitter. C'est aussi simple que ça. On aura du son aussi avec Martin Garrix tout à l'heure. T'aimes bien Martin Garrix, Fred? Fred? Ah oui oui, pardon. Ah oui oui oui, ah oui, oui très bien. Allez donc réveille-toi hein, sinon. Voilà, sinon je t'en mets une. Bon, et puis on mettra aussi, tiens, il y en a quelques-uns qui avaient redemandé le vieux son là qu'on a mis il y a deux mois là. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ilvis avec The Fox. Voilà, c'est la chanson du renard. Donc si vous voulez la réécouter tout à l'heure, n'hésitez pas, dites-moi, hein, hashtag Mickaël. Et puis Backer Matt, tu connais aussi? Ouais. T'aimes bien ou pas? Ouais, ça va. Bon, très bien, j'ai fait de la merde avec le standard là, c'est possible qu'on ait plus personne de la soirée. Alors attendez. Hop là. Voilà, je règle tout en direct. Hein, il y a Tuff, il peut intervenir avec oui, son matériel. Mais bien sûr qu'il va pouvoir intervenir, bien sûr. Non mais là c'est bon, il n'y a pas de problème. Ah. Bon, et puis il y aura des cadeaux aussi tout à l'heure. Alors attention, ah bah oui, les boîtes vides évidemment de la PlayStation 4 et de la Xbox 300, de la Xbox One ont été gagnées, bien ouais. sûr, hier soir en direct dans l'émission, à la fin de l'émission. Elles sont prêtes, le colis part demain. Donc vous serez livrés après-demain en théorie ou d'ici deux jours, hein, ça dépend. À moins que Fun, ils mettent les thèmes pas chers ou ils mettent les thèmes chers? Non mais c'est pas... Bon, c'est un colis donc ça partira ouais. plus vite. Bon, ouais, normalement c'est bon, hein, ça part direct dans une fois qu'on les a mis. Hein. Bon alors très bien. Donc voilà, donc ça a été gagné hier. Ce soir il y aura le PC portable à gagner. Ce sera évidemment avec la colle d'ici quelques minutes. Et puis on aura aussi des caméras numériques. Caméras numériques avec, eh ben, comme chaque la mardi classe. Bien sûr. La rupture, le concept de la rupture est simple, bah vous voulez participer, vous appelez Sandro dès maintenant au standard 01 42 48 5000 et puis pour la Belgique 02 851 4x0, on jouera au jeu de la rupture, le principe est donc simple, on appelle quelqu'un au hasard avec vous êtes deux auditeurs à vous affronter, celui qui arrive à faire la discussion la plus longue avec une discussion de rupture, genre ouais écoute, on peut plus rester ensemble, c'est plus possible, j'en peux plus, tu m'as saoulé, etc. Donc la plus longue conversation, eh bien repartira avec la caméra numérique. Voilà, si vous voulez jouer et gagner, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et puis on a également retour avec Fred. Alors de quoi on part avec toi Fred au fait? En fait, il m'est arrivé un truc. Ouais. Je me suis fait péter par la bac en fait. Tu t'es fait quoi? Ouais, j'ai arrêté par la bac. Ah oui, d'accord, ok, ouais, arrêté par la voilà. bac, ouais. Ouais, puis, brigade anticriminalité. Pour ceux qui ne voient pas voilà, ce que c'est exactement, c'est la bac. Quand vous les voyez arriver, en général, ils sont plutôt pas discrets. Ah ouais, ça c'est clair. Voilà, et ils se prennent un peu pour des cow-boys parfois. Bon après ils voient des cas sociaux aussi hein, donc bah, c'est un peu normal. Ah ouais ouais, mais putain, moi je me suis fait arrêter un jour, j'avais brûlé un feu orange, même pas rouge, orange. Et le mec il arrive, oui, mais j'ai dû selon le code de la route, ouais, tu n'as pas le droit. Ouais, non mais d'accord, mais il m'a mis sorti de la voiture, les bras sur le je te jure sur le capot, c'était à Nanterre. Bras sur le capot, oui, tout bordel, c'est normal. J'ai dit, c'est quoi, normal. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais ouais, vous savez très bien. Je dis mais non, je sais pas machin, et le feu, vous avez brûlé le feu rouge. Bah je dis non, je dis il était pas rouge, il était orange. Foutez-vous de notre gueule. Je dis non, mais d'accord, ok, c'était peut-être qu'il était rouge, j'ai mal vu. Désolé, pardon. Et donc bon, heureusement, j'avais encore une fois le même ami aveugle qui m'avait aidé la dernière fois à partir du resto sans payer, qui était là. Et grâce à lui, on s'en est plutôt bien sorti. Donc voilà. Mais c'est ouais. la seule fois que je me suis fait arrêter par la BAC. Mais et toi, il s'est passé quoi? Bah ils m'ont emmené au Comico et puis ils m'ont fait déshabiller et tout, et ils m'ont fait fouillade en fait. Non! Oh putain, c'est le rêve de Toff, ça, c'est non, ça! Mais attends, grave! Attends. C'est pas les mecs de la BAC qui t'ont fouillé dans l'anus! Non, mais c'est pas les mecs de la BAC, c'est les mecs qui t'ont déposé au commissariat et. Voilà, voilà. Oh merde! Bon, bah dites-nous, tiens, attends, Fred, mais reste avec nous! Ça, ouais. je crois que ça m'a plu en fait. Non, t'es sérieux? Bah, je disais ouais. que c'était le rêve de Toff, et finalement, il y en a un deuxième! Bon, et Fred! Ah ouais, Fred, attends, reste avec nous là. On va parler. Il est mort de rire. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, moi aussi, Lota. Bon, bah, dites-nous si vous avez déjà eu des trucs avec. Genre, vous êtes fait arrêter, vous avez déjà eu des petites fouilles, vous avez déjà eu des petits délires comme ça. Genre, bah, comme lui, Fred, il se fait arrêter, fouiller là, lui, finalement, il se rend compte qu'il aime bien ça. Je sais pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi. Bon, bah, tu nous expliques ça dans quelques minutes, tiens. Bon, bah, dites-nous, appelez-nous, les garçons, les filles, est-ce que vous vous êtes déjà fait arrêter? Comment ça s'est passé? Pourquoi? Comment? Etc. Etc. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et puis, on accueille Florian avec nous maintenant là. Bonsoir Florian. Salut tout le monde. Comment ça va? Bien et vous? Comment va la Vendée? Bah ça va, il pleut, il fait froid. Ah pleut, bah oui, voilà. Bah oui. Bah enfin c'est l'automne mec, hein, en vrai, ça n'ira pas en s'arrangeant, hein, au contraire. Bon ouais. Florian, tu nous appelles parce que t'as envie de pécho le PC portable? Ouais. Ah bah ça, ouais, pour ça il faut faire la colle. Alors toi tu vas énoncer la colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, bah c'est lui qui gagnera la colle. Si personne la trouve ou si la personne qui est sélectionnée bah décroche pas, c'est toi qui gagne le PC portable, Flo. Ok. Bon bah vas-y, fais péter la colle. Alors la colle c'est qu'est-ce qui a des boules et qui excite les vieilles? Alors qu'est-ce qui a des boules et qui excite les vieilles? D'accord, bon. Est-ce qu'il y a des boules et qui excite les vieilles? Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Il y a un PC portable à gagner, hein. Il est là, il est tout beau, la boîte n'est pas vide, hein, sur le coup, là, rassurez-vous. Donc, qu'est-ce qu'il y a des boules et qui excite les vieilles, Flo? C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Exact. Bon, allez. Allez, bah bonne chance. Donc vous envoyez simplement M-I-K-L, les 4 lettres, espace la réponse par SMS au 64-900 ou au 63-22. On te récupère tout à l'heure, Flo, d'accord? Ok, pas de problème. Très bien, bah bouge pas, reste bien avec nous, Flo. On va récupérer Fred dans quelques minutes. Et puis on va saluer ceux qui sont débarqués aussi là sur le Twitter, le Facebook, l'Instagram. Il y a Apache qui dit Sadomaso le Fred là. Il y a Benji qui dit oh sympa le gars, il a pris son pied avec la fouille anale de la BAC, mort de rire. Et Skippy qui dit ah j'adore le concept des boîtes vides, c'est tellement dérisoire. Mais oui, mais c'est on l'a fait exprès. Et Mathias qui dit nous on veut DJ Mimich avec le Work Beach sale con, c'est le remix de Britney Spears. Bah peut-être tout à l'heure, allez savoir. Yaku aussi, coucou à tous, un petit message de bienvenue s'il vous plaît. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Attention, il est violent. Et ta mère la pute, est-ce que je la baisse tous les soirs, sale bâtard? Voilà. Et puis Anis qui dit aussi bonsoir Mickaël, un petit coup de pelle. Bah la pelle elle est là, t'inquiète pas, elle est là, tout va bien. Lesbi Freaks il dit hello la team. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Ah bon, vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Mais on ne savait pas. Il y a Jérôme qui dit ah oui, Polo Jean Jouy et puis Pierre aussi qui dit un petit coucou à la bande la plus déjantée de Fun Radio, j'ai susnommé Mickaël et tu susnommes plus rien quand tu mets mon nom, hein, je te préviens directement là. Et puis j'ai passé une journée de merde avec une interro de merde en français, je compte sur vous bande de tarés pour me redonner le smile. Et bah écoute, on va faire ce qu'on peut Mathias, en tout cas sois le bienvenu, soyez tous les bienvenus, vous êtes chez vous, c'est Mickaël No Limites sur Fun Radio tous les jours de la semaine du lundi au jeudi pardon, de 23h à 2h du mat, le dimanche de 20h à minuit. Et puis la colle également que vous pouvez retrouver sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel, si vous voulez la lire et y répondre aussi d'ailleurs. On attend évidemment tous vos messages. Et je l'avais promis, eh ben on se fait péter le son de Martin Garrix maintenant avec Animals. Et restez bien là également, puisque dans quelques minutes, juste après Martin Garrix, je vous mettrai le canular qu'on avait fait hier. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Ouais, ouais, ouais, pour ceux le fameux. Ouais, pour ceux qui débarquent, qui comprennent pas tout, vous allez comprendre d'ici quelques minutes. On aura aussi le chéri, je peux te faire cocu tout à l'heure avant 2h du mat sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël No Limites, No Limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et en direct sur Fun Radio, allez, venez, hein, venez, venez nombreux et nombreuses. D'ailleurs, passez le message autour de vous. Ouais. Je vous rappelle également que si vous me faites un petit follow sur Twitter, eh bien, je vous follow à mon tour. Hein. Pour les filles, évidemment, c'est par derrière que je vous follow. Et puis pour les mecs, bah, une petite poignée de main. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je follow tout le monde. Voilà, donc vous venez, vous tapez Mickaël underscore, c'est la petite barre en bas, officiel. Donc Mickaël underscore officiel sur Twitter. Vous me faites un follow et je vous follow également avec grand plaisir. Et je vous attends pareil aussi sur Instagram. C'est pareil aussi, c'est Mickaël officiel. Et attention, je vous signale également que le 29 octobre on se rend direct du Paris Games Week. Ouais, le salon du jeu vidéo où il faut absolument être bien sûr. Donc si vous voulez venir avec nous pour tester notamment eh bien les dernières consoles, notamment la PlayStation 4 ou encore la Xbox One, eh bien inscrivez-vous funradio.fr. et puis surtout il faut élire le jeu vidéo de l'année. Alors pour vous, quel était le jeu vidéo de l'année? On attend évidemment tous vos commentaires sur le site de Fun Radio, funradio.fr. Allez-y, donnez-nous pour vous quel est le jeu vidéo de l'année. Ce sera à l'occasion du Paris Games Week. On remettra évidemment le trophée au l'éditeur, évidemment. Voilà, bonne chance, funradio.fr. Et puis Martin Garrix qu'on écoute maintenant, c'est Animals sur Fun Radio. Bonne soirée. C'est Fun Radio à avec le son de Martin Garrix, c'était Animals. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, nos limites, nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et alors, il y en a beaucoup qui demandent également d'où vient ce petit bruit. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Oui, alors évidemment, il y en a beaucoup. Donc c'était hier, quand on avait fait un canular, on avait appelé. Pourquoi encore? Je me souviens plus. C'était à chaque fois, j'oublie. Hier, c'était, je demandais aux gens ce qu'ils préféraient faire à faire l'amour. Ah oui, c'est vrai, exactement. Et donc du coup, on avait appelé ce monsieur. Et c'est là que vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué est né. Alors écoutez bien, on était tombé sur Columbo et Zorro en même temps. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir ce que vous préférez faire à faire l'amour. Voilà, donc là, on avait eu un crochet jauné, sympathique, normal, j'ai envie de dire standard. Hein. On en a toujours un classique. Un classique, exactement, oui. Donc on avait rappelé. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Oui, excusez-moi, mais vous avez raccroché, vous n'avez pas répondu à la question. Mais vous savez quelle heure il est? Ah, oui. C'est lui. C'est quoi la question là? Bah en fait je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous préférez faire plutôt que de faire l'amour? Faites chier les gens pour avoir des questions à la con. Mais c'est pas une question à la con monsieur, je vous pose juste une question. Vous me répondez ce que vous préférez ou ce que vous préférez pas. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bah c'est juste pour savoir. Bah, désolé, au revoir monsieur. Bah ça vous fait quoi de répondre à ma question? Ça m'emmerde. Bah pas du tout monsieur, là vous faites votre... Non, vous êtes de mauvaise foi. Eh ben non, j'ai pas envie. Bah, oui d'accord, mais bon là vous avez pas envie, à un moment faut faire un effort. Ben non, j'ai pas envie de faire un effort pour vous. Vous connaissez ni Adam ni Dev. Ben justement. Je suis en train de regarder mon film là, vous m'emmerdez. Oui. Ça, mais... ça vous comprenez le français là? Bah oui, je comprends le français. Bon, enfin... alors je vous raccroche, merci, au revoir. Ben non, répondez à la question d'abord. Là, vous me faites vraiment chier là. Mais pas du tout monsieur, c'est vous qui perdez votre temps. Bah et puis allô. Et puis on l'avait rappelé encore un coup, et là effectivement est né l'appel masqué démasqué. Alors écoutez bien. Excusez-moi, mais si vous perdiez pas votre temps à raconter votre vie... Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Oui, peut-être. Alors, rappelez-moi encore une fois. Oui. Et je vais porter plainte à la gendarmerie. D'accord. Mais répondez à ma question, et comme ça, je rappelle pas. Ah, ben du coup, on l'avait rappelé, vous le connaissez forcément quand on le chauffe. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Oui, c'est vous qui avez demandé que je vous rappelle, hein, monsieur. Non. Ah, si. Si vous me rappelez encore une fois, je vais porter plainte à la gendarmerie. Bah oui, mais... Donc, vous m'avez rappelé, demain... J'irai porter plainte à la gendarmerie. Ils retrouveront votre numéro par la force des choses. Et vous mettrez face à la justice. D'accord. Et sinon, pour répondre à ma question? Je veux pas répondre à votre question. Bah oui, mais enfin bon, là maintenant qu'on va être devant la justice, tout ça, vous pourriez au moins me répondre à la question. Non, voilà. Non, toujours pas. Et donc voilà, donc vous mettrez devant la justice. Mais pourquoi? Bah parce qu'il m'a appelé deux fois. Voilà. Voilà, c'est ça. Je voudrais bien le voir devant un juge. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Ah bah oui, tiens, c'est vrai. Est-ce qu'on savait ça? Effectivement, on sait pas. En tout cas, je n'ai toujours pas été démasqué. Ah non, pas encore, non. Donc on fera d'autres appels tout à l'heure. Hein. Faut juste qu'on réfléchisse encore à deux, trois idées pour d'autres appels. Donc si vous avez des idées. On pourrait utiliser pour appeler des gens et même des numéros de personnes qu'on pourrait appeler d'ailleurs en direct sur Fun ce soir. Des gens encore debout et qui ont plutôt tendance à s'énerver rapidement. N'hésitez pas à nous faire partager toph@funradio.fr pour envoyer tous vos numéros de téléphone. Bon, on va également se faire le jeu de la rupture hein, dans quelques minutes. Là, c'est avec Nicolas et Florian. Vous êtes là tous les deux? Ouais. En pleine forme? En pleine forme. Bon, est-ce que vous saviez ça? Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. vous le saviez qu'un appel masqué peut être démasqué? Apparemment, t'as vu, hein, on a eu quelqu'un de chez SFR hier, Mike, qu'on devait aller voir aujourd'hui d'ailleurs, on n'a pas eu le temps, mais on ira demain pour nos forfaits. Hein. Rassurez-vous, je n'ai pas oublié, pour ceux qui étaient là, c'est Mike qui nous disait, qui confirmait qu'un appel... Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Et apparemment, c'est le cas, effectivement, comme quoi tout arrive. Hein. Et donc, du coup, comme il se travaillait chez SFR, on a un petit peu insisté pour avoir un forfait pas cher. Donc, on va aller voir demain ce qu'il peut nous proposer. Bon, Nicolas et Florian, on va se faire la petite rupture dans quelques minutes? Bah oui, exactement, ouais. On est chaud. Hein. Vous êtes chaud bouillant là? Chaud bouillant. Chaud, très bien. Eh bien, on va faire ça dans quelques minutes. Alors, restez avec nous. Est-ce que vous avez déjà eu, comme Fred, une petite arrestation par la police ou une agent de sécu, quelque chose comme ça? Ouais. Et alors, il s'est passé quoi? Ah, pas toi, Flo. Et toi, Nico? Ouais, j'en ai déjà eu une pour ivresse sur la voie publique. Ah bah bravo, Nicolas, là, ivresse sur la voie publique. Mais ça, je pense que c'est le pire de tous, parce que tu sais, c'est en fait, t'es juste bourré sur le trottoir, quoi. Ouais, et tu fais chier tout le monde. Exactement. T'es tellement déchiré. Non, même pas. T'es tellement déchiré que les mecs, en fait, ils veulent même pas te laisser sur le trottoir. Ouais, c'est ça, en fait. Et c'était quoi ton histoire, toi? C'est parce que j'étais en train de faire pipi dans un endroit qui fallait pas, en fait, apparemment. Ah, c'était quoi, les chaussures du flic? Près de la mairie, et puis c'est là-bas qu'il m'a arrêté. En fait. Ah bah oui, bon, enfin, tu vas pisser sur le mur de la mairie aussi. C'est normal, ils auraient dû t'éclater la tête. C'est ça. Bon, attends, il y a Alan aussi. Sur cette boîte. Oui, mais voilà, t'étais bourrasse. Bon, bah Nico et Flo, on va se faire le jeu de la rupture dans quelques minutes. Retour avec Fred de Marseille, là, qui a eu une arrestation par là-bas, qu'il a eu droit à la petite fouille anale au commissariat, bien entendu. Et il nous avait appelé parce que finalement, il l'avait kiffé. Donc, Alan, qui est avec nous également de Saint-Dié dans les Vosges. Salut, Alan. Allô. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah, écoute, plutôt bien, tranquillement, là. Est-ce que tu savais ça? Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Ah oui, absolument. Ah, tu savais, d'accord, ok. Non, mais parce qu'on a rencontré notre nouvelle amie hier, là, dans les appels de Toff, et bah, on était assez surpris qu'un appel masqué pouvait être démasqué. Ah bah oui, forcément. Bah oui, mais je suis assez... Bah, toi aussi, visiblement, t'as l'air surpris, donc ça va. Bon, très bien, Alan. Tu nous appelles pour réagir à Fred? Parce que, en fait, nous, on a été arrêtés dans la plus grande rue de Saint-Dié. Ouais. Et on s'est retrouvés en caleçon dans la rue. Mais qu'est-ce que vous foutiez en caleçon dans la rue, déjà? Bah, en fait... On parlait de shit avec un pote. Ouais. Et genre, il y avait deux gars de la bike devant nous. Et il y en a un, il a sorti une carte, il nous a dit, venez avec nous dans la ruelle là. Ouais. Et genre, c'était juste à côté de la rue normale. Et genre, il nous a fouillé. On était en caleçon dans la rue. Non mais genre. Mais qu'est-ce que vous foutiez en caleçon dans la rue? C'est la question. On avait pas le choix. Ils nous ont foutu en caleçon, ces connards. Ah, c'est eux. Mais je croyais que c'est vous qui étiez en train de vous balader en calbut. Mais non, c'est pas d'accord. Nous. D'accord. Mais pourquoi ils vous ont mis en calbut? Ah, pour vérifier. Parce qu'on parlait de shit, ils croyaient qu'on avait du shit sur nous. Ah oui, mais bon, voilà, et après, ils vous ont rhabillé quand même, non? Bah oui, quand même. Bon, bah voilà, tu vois, au final, ça s'est bien passé. Mais t'as pas aimé, toi, contrairement à Fred? Ah non. Ah non, toi, non. Ah ouais, toi, un peu moins. Et Fred, c'est arrivé il y a combien de temps, cette affaire? Ça va arriver il y a un mois et demi, à peu près. Il y a un mois et demi, et depuis, donc, depuis tu kiffes? Bah ouais, mais tu vois, j'ai peur de devenir PD, quoi. C'est pas une question d'avoir peur, soit t'es gay, soit t'es pas gay. C'est pas ça. Ça peut faire peur. Non mais c'est pas catastrophique, qu'est-ce que tu racontes? C'est une maladie très grave, fais attention mon garçon. Mais non, n'importe quoi. On va te soigner à coup de pelle dans ta gueule. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vas-y, un petit coup de pelle. Tiens. Non, alors j'ai une explication, je vais vous donner l'explication. Hein? Attends, c'est quoi l'explication, Polo? Alors, vous connaissez mon amour particulier pour les boîtes de striptease. Ouais. Alors, il y a un moment donné, je me suis retrouvé, je donnerai pas le nom de la ville, c'est aux États-Unis. Et donc, je suis dans la boîte, je parle avec une stripteaseuse qui reste là pendant des heures à me parler. Et à un moment donné, en fait, elle voulait, je pense, me mettre un doigt dans le cul. Non. Si, elle m'a dit que tu sais pas ce que c'est que le plaisir d'un doigt dans le cul parce qu'en même temps, je te masse la prostate. Ce qui fait qu'en fait apparemment mais c'est une excitation. Mais t'avais demandé le massage full option, bah voilà mec. Et apparemment ça... Do you want my finger on your ass? Yes, of course. Non. Et en fait elle m'expliquait que c'était une espèce de... Elle me fait, tu sais pas ce que tu rates. Ouais mais je sais ce que je gagne. Hein. Et voilà, c'est une excitation multipliée par je sais pas combien parce qu'en fait... Elle te met le doigt dans le cul et elle te masse la prostate. Ouais, elle masse la prostate, grave, mais ça fait un putain d'effet. Arrête, tu t'es jamais fait mettre un doigt dans le cul. Mais masser la prostate. Si. Tu t'es fait masser la prostate. Mais oui. Mais t'es vraiment une merde. Test en direct avec Polo pour voir. Non. Mais franchement, une meuf qui sait bien le faire, qui sait bien te mettre le doigt et bien masser la prostate, je peux t'assurer que tu joueras jamais comme ça. C'est pas facile. Tu peux faire bien, j'ai essayé, tiens. Jamais de la vie, mec. Bon, Fred, toi, visiblement, t'as déjà essayé. Oui bah enfin j'ai essayé Non mais enfin le mec il t'a quand même pas fait ça genre pour te faire kiffer, il était pas là pour ça. Ah non il était pas là pour ça, non. Ah non, bon non. Bah voilà. Mais sur le coup j'ai pas kiffé, c'est après quoi. Ah c'est après tu t'es dit tiens finalement c'était pas mal. Bon Alan, merci à toi d'être passé en tout cas, tu reviens quand tu veux. Ouais, il y a moyen d'avoir un Pexen. Ouais tu vas gérer ça avec Sandro, je la repasse de suite Alan. Ça marche. Salut Alan, à bientôt. Bon Fred reste avec nous là, les filles aussi, venez nous donner votre avis. Tiens, est-ce que vous vous êtes déjà fait arrêter? À mon avis c'est plus sympa déjà de se faire arrêter quand t'es une fille, sauf si tu te la ramènes, ou sauf si tu tombes sur une fliquette. Parce que entre filles, là c'est la guerre. Donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Et puis venez nous dire hein, tout simplement ce que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir quand vous vous êtes fait arrêter. Et aussi, on a eu l'idée là. Est-ce que vous avez déjà mangé en faisant l'amour? Ça peut être une très très bonne idée d'appel pour Toff. Mais moi j'ai déjà mangé des sushis, ouais. En faisant l'amour? Ouais. Oh bah super. Bah quoi, c'est n'importe quoi. Mec, tu vois. Oui, j'ai fait tomber un petit bout. Comment tu peux? Horrible. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais si, enfin c'est un jeu, tu sais, tu les manges à deux, tu t'embrasses en même temps, enfin. Voilà, puis non, faut apprendre à jouer avec la nourriture un peu. Oh là. Mais non, on joue pas avec la nourriture. Mais oui. Non, parce qu'en fait, il y a une meuf à Las Vegas qui est sexuellement excitée par la nourriture. Et du coup, bah, elle fait tout simplement l'amour en mangeant des donuts, des cupcakes, même des glaces. Donc venez nous dire si vous avez déjà fait ça. Et surtout, comment votre copain ou votre copine l'a pris. C'est surtout ça le plus important. Donc comment ça se passe? Est-ce que vous avez des kiffs pendant que vous faites l'amour, que ce soit la bouffe ou autre chose, hein? Mais est-ce qu'il y a des trucs un peu particuliers en fait que vous faites ou que vous aimez faire ou que vous aimez qu'on vous fasse? Bah venez, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Ça peut être un très bon plan et ça peut surtout être aussi une très bonne idée d'appel pour voir si les gens l'ont déjà fait. Bah, je vais surtout demander aux gens ce qu'ils ont déjà mangé. Bah, en faisant l'amour. Voilà, donc si vous avez des numéros, toph@funradio.fr, eh bien, vous nous les balancez. Alors, il y a un dissociable qui dit, il a kiffé se faire fouiller le petit, là, un petit galanus, évidemment. Guillaume qui dit, dégueulasse, le doigt dans le fion. Il y avait quoi aussi? La Megumi qui dit, il y a des mecs qui aiment ça sans être gays pour autant, c'est vrai. Il y a Malo qui dit, un coup de pelle pour ne pas m'endormir, s'il te plaît. Oh, toi, tu vas pas rester jusqu'au bout de l'émission, Malo. Tigresse qui dit, salut toute l'équipe, je vous kiffe grave. Merci, Tigresse, nous aussi, on t'adore. Ah, et oui, si je t'aime, surtout envoie tes mensurations. Mais oui, Nano qui dit bon courage à ceux qui veulent faire leur devoir et qui peuvent pas s'empêcher d'écouter Fun Radio. Ça va bien se passer, Nano. Et puis Apache qui dit j'ai pris mon petit déj alors que ma copine était en pleine fellation. Ouais, d'accord, ça c'est différent après. Ça reste faire l'amour en mangeant. Ça reste faire l'amour en mangeant, ouais. Et il y a Léa qui dit aussi petit message de bienvenue pour moi, s'il te plaît. Oui, Léa, avec plaisir. Vous me faites chier. Voilà, et puis il y a DJ qui dit n'importe quoi. C'est lui que je bouffe. Et expérience Sam qui dit je peux avoir un message de bienvenue également. Bien sûr, expérience Sam, hop là. Vous m'emmerdez. Ah bah non, j'ai lui mis le même là. On va faire chier ta meuf là, on cule ta meuf, mais lâche-moi les couilles là. Voilà, tout simplement. Et alors il y a John McClane qui dit aussi fouille de stup car je roulais sans feu. Bah appelez-nous, hein, on va en parler justement là. 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. On aura également Mamadou qu'on a eu hier soir là. Bonsoir Mamadou. Ouais, bonsoir. Wesh ma gueule. Ça va ou quoi? Ouais, tranquille et vous? Bah écoute, plutôt tranquille aussi, effectivement, ouais, à la cool. Bon, Mamadou. Ouais. Bon, on va parler de quoi avec toi? On va parler de sodomie avec moi. Ah, on va rester. Non mais comme ça c'est bien, on va rester dans la continuité, tiens. Eh oui. Bon, ben gardons les mains dans la merde. Ben oui, reste avec nous, on aura Julie aussi de Paris. Bonsoir Julie. Salut. Comment vas-tu? Bien et toi? Bon oui, très bien. Tu vas réagir toi par rapport à ce qu'on mange pendant qu'on fait l'amour, c'est ça? Oui. Bon, quelque chose d'un peu plus classe quand même, hein. Bon, ben reste avec nous, Julie. On va se faire la rupture dans quelques minutes. Et puis, vous l'aviez demandé, le son de The Fox, la chanson du renard qu'on vous a fait découvrir il y a quelques semaines, c'est Elvis. Ah bah voilà, on vous l'avait fait découvrir, souvenez-vous, il y a quelques semaines là, c'était la chanson du renard avec ce que le renard dit, et puis après bip bip bip bip bip, etc, etc. C'était Elvis à l'instant sur Fun Radio. Bienvenue si vous arrivez là, 23h32, on est en direct avec vous toutes et vous tous. Il y a Marina qui a envoyé un petit message mort de rire, la chanson du renard. Bah oui, le principe qui dit la prostate pour les mecs s'appelle le point P. Donc oui, vous pouvez aussi avoir du plaisir à ce niveau-là sans être gay pour autant. Et puis il y a Apache qui dit je me suis fait arrêter pour avoir pissé sur une estafette de flics juste devant eux. Garde à vu, plus amende, je recommence plus. Bah au moins c'est servi de leçon, voyons les choses de manière positive. Et Justine qui dit à chaque fois que j'écoute Mickaël, je me tape des fous rires chez moi ou en voiture, là vous déchirez, merci Juju. Et Tony qui dit, attends, au fait, savez-vous qu'un appel masqué peut être démasqué? Non. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Putain, ça n'est pas ça, merde alors. Et puis Christo qui dit après une semaine de taf le soir, j'ai un jour de repos pour écouter Mickaël No Limit. Bah sois le bienvenu en tout cas, merci à toi. Et merci à vous toutes et à vous tous d'être tous les soirs de plus en plus nombreux, visiblement, d'après ce qu'on voit en tout cas sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram de l'émission. Merci à vous de débarquer tous les soirs sur Fun Radio. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Oui, bon, on va le savoir maintenant, hein. Bon, alors, on va prendre Julie avec nous maintenant avant de faire le premier appel et puis avant de faire également les appels avec le jeu de la rupture. Florian et Nicolas qui sont là. Vous êtes toujours là, hein, Flo et Nico là. On est toujours là. Toujours, toujours. Parfait. On va jouer dans quelques minutes pour gagner votre caméra numérique ce soir. Alors, attention. Avant ça, Julie est avec nous de Paris, 17 ans. Rebienvenue, Juju. Salut. Ça va? Oui, nickel. Tranquille, la journée fut belle? Oh ouais, ça va. Enfin, bon. Oui, très bien, écoute, impeccable. Bon alors, Julie, bon, tu nous appelais parce que toi, quand tu faisais l'amour, là, t'aimes bien manger des trucs, là, c'était le sujet dont on parlait avec Toff. On va appeler des gens dans quelques minutes d'ailleurs pour voir ce qu'eux aiment bien manger quand ils font l'amour. Et c'est quoi toi? Bon, en fait, moi, c'est même pas manger. C'est une fois, bah, avec mon copain, on faisait les prélis. Ouais. Et bah, lui, justement, il faisait un cuni, tu vois. Et moi, Et toi, tu te faisais chier, comme le mec était mauvais, du coup, tu t'es dit, bah tiens, je vais aller bouffer un peu du Nutella. Non, même pas, j'ai fumé une clope, quoi. Ah, c'est... Franchement, déjà, je déteste la clope, mais alors moi, j'ai ma meuf, elle me fait ça. C'est chaud, quand même. Je lui mets un coup de pelle, une claque, puis je lui mets un coup de lance-flamme. Ouais, je lui mets un coup de lance-flamme dans la gueule, et en plus de ça... Je lui pète à la tronche, voilà. Ah non, mais attends, ça se fait pas, ça se fait pas. La clope, encore manger, j'ai pas de problème. Elle pourrait même lire un bouquin, envoyer un texto, je m'en branle. Mais non, c'est nul. Mais non, attends, non, je suis pas d'accord. Julie, c'est mal. Bah tu sais quoi, pour la peine, je t'envoie. Je sais que t'es mineur, c'est pas grave, je t'envoie quand même dans la gueule de Toff. Ah bon, d'accord. Julie, combien mesures-tu? Je ne prends pas la responsabilité, hein. Bah ça va. Combien mesures-tu, Julie? Je sais pas, peut-être 1m69 par là. 69, ouais, bizarrement. Oui, comme par hasard. Quel est ton poids? 54 kilos. C'est bien ça. Quel est ton tour de poitrine? Oh, je sais pas du tout. Genre, tu mets pas de soutien, tu mets pas de soutien-gorge. Attends, si, mais attends, mets le téléphone sur tes seins là. Attends, on va vérifier. Je vais, oui. Regarder, je vais les toucher là. On va vérifier. C'est bon là? C'est la 90D. Ouais, ah ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, plus ou moins. Ouais. C'est pas mal. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Du 36. Bonne! Bonne! Bonne! Bonne! Bonne! Elle est bonne! Elle est bonne! Ah bah oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Bon, dommage, t'es un peu mineur encore, Julie, mais... Eh oui. Bah, les mecs, prenez une option dessus, hein. On sait jamais, là. Non, mais c'est vrai, n'est-ce pas, Florian, Nico, là, ça a l'air plutôt plutôt agréable à regarder. Bah, moi, je propose qu'après le viager, on fasse le via niquer. Bon, le viager, c'est quand vous achetez une maison, évidemment, et que, en fait, vous payez une petite partie, puis vous payez par mois jusqu'à ce que la personne clame, c'est après, voilà. Vous avez la maison. Voilà. Ouais, la part. Ouais, ça, c'est la vente viagère. Exactement, ouais, c'est tout ça, à fait. C'est ce qu'on a dit. Attends, moi, je ferai jamais. Ça, t'imagines, après le clams d'office, il va y avoir une enquête avant que l'on me retrouve en prison. Vous avez tué cette dame? Mais non, si. Tu sais, après, tu l'invites à manger, tu sais, tu l'as fait bouffer que voilà. Du gras et tout. Et pour peu qu'elle meure, ouais. Quand t'es là dans la maison avec elle, ah, va ouais, justifier ouais. Le truc. Va justifier le truc, ouais. Non, mais c'est ça, franchement, c'est tendu. Heureusement qu'un appel masqué peut être démasqué. Exactement. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Tout à fait. Bon, hey, Julie, alors toi, du coup, donc t'as fait ça. Il a dit un truc, ton mec, quand t'as fumé la clope pendant qu'il te faisait un cunis? Bah en fait au début il l'a mal pris. Sans blague. Sans déconner. Normal. Bah ouais, tu m'étonnes. Et du coup après il s'est levé, il m'a regardé et fait putain mais t'es sérieuse et tout et il s'est barré. Et puis après je lui ai taillé une pipe et il se coupait les ongles. Ah bon, voilà. Truc sympathique. Non. Bon, bah, très bien. Bah écoute, Julie, bah reste avec nous, on va faire le premier appel. On va faire le premier appel dans quelques minutes, d'accord? Ok. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle le premier maintenant, là, vous avez envoyé vos messages, là, merci beaucoup, vous avez bien fait d'ailleurs. Les messages pour avec les numéros de téléphone de gens qu'on peut encore appeler à cette heure-ci, direction le mail de Tof, toph@funradio.fr, et c'est parti, on appelle le premier. Restez tous là, hein, Julie, Flo et Nico. Hein. Ouais. Juste après, on va faire le jeu de la rupture. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, madame. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si vous aviez déjà mangé en faisant l'amour. Écoutez, monsieur, je commence à en avoir marre de vos histoires, hein. Quelles histoires, madame? Bah, j'en ai encore une la semaine passée, hein. Non, c'est pas vrai, on vous a appelé. Vous, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Ah, oui, mais, oui. Mais ce n'était pas en moi. En demandant si, quand je me masturbais, à qui je pensais. Ah, si c'était nous. C'est pas vrai. Bon, si je vous le dis. Oh, c'est scandaleux, ça, madame. Ça m'étonne pas, monsieur. Ah oui. Moi, je comprends pas. Il y a des gens qui osent faire ça. Ah bah et alors, et vous, qu'est-ce que vous me posez comme question là? Vous croyez que c'est mieux? Bah quand même. Non mais, allez, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Oh merde, on s'est fait, bah on est con, pourquoi l'appeler deux fois la même? Mais parce que ça doit être à l'auditeur. Ah oui, qui a envoyé deux fois le même numéro. Ah merde, démasqué. On l'avait déjà appelé donc. Bon, Julie, je te fais des gros bisous, en tout cas tu reviens quand tu veux sur Fun. Ok, nickel, pas de soucis. Allez, reste au standard, on va te filer un pack Fun. Salut Julie, gros bisous. J'ai mis une option. Salut, sur Julie. Salut, bisous. Hein. Oui, mais garde option. Bon, Florian, Nicolas, on va jouer maintenant au jeu de la rupture pour gagner une caméra numérique, évidemment. Florian, on va commencer par toi. Comme ça, t'es le premier dans le standard. Ok, pas de soucis. On y va. Le principe est simple, vous allez faire un battle entre vous deux, évidemment. On va appeler des gens au hasard, on ne sait pas du tout chez qui on appelle. Vieux, jeune, mec, meuf, peu importe. Et le but, avoir une discussion de rupture, comme si vous cassiez avec votre copain ou votre copine par téléphone, d'accord? D'accord. Ouais. Allez, celui qui tient le plus longtemps a gagné. Florian, on y va, on commence par toi. Dès que t'entends plus la musique, là, c'est que tu dois y aller, hein, ok? Ok. Et parfois, des gens décrochent et ne disent pas allô, ce qui n'est pas pratique. On y va. Allez. Bah, avec notre bol, ça ne vaut pas décrocher, tu vois. Il appelle les masqués. Ah oui, il appelle les masqués, effectivement, c'est peut-être ça le problème. Attends, on en appelle un autre. Celui-là, il décroche pas, c'est pas grave. Flo, on rappelle un autre, c'est pas grave. Allez, vas-y. Okay. Allô? Oui, allô? C'est moi. C'est qui? Bah, c'est moi. C'était pour te dire que c'est terminé entre nous. Tu m'insupportes, je peux plus te supporter. Donc, du coup, c'est fini. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, donc c'était pour vous dire que c'est fini entre nous, j'ai plus de sentiments et tu m'insupportes. On est à 30 secondes. Donc, du coup, vous trompez de numéro, monsieur, excusez-moi. Ah non, du tout, non. Et non. Dis oui. Je me trompe pas de numéro, non. Bonne soirée. Je pense que je suis bien. Ah non, je suis bien. Hop là, 40 secondes, 40 secondes, 40 secondes. Ça partait bien, pourquoi t'as insisté, t'as merdé à la fin. Ça partait bien, Flo. Bon, t'aurais dû lui dire que sa meuf le trompait, ça aurait été plus drôle. C'est vrai. Bon, oui, c'est vrai. Bon, oui. Nicolas, à ton tour, là, vas-y, on appelle. Dès qu'on t'entend plus la musique. Tour. 42 secondes, il a fait. Vas-y. Allez, ça va décrocher, là, j'espère. Allez. Bah oui, c'est ça, il traîne, là. Il traîne. Allô? Ouais, salut, c'est moi. Pardon? C'est moi? C'est pour toi. Ça va? À ton avis? Je vous ai trompé de numéro. Ah non, non, pas du tout. À ton avis, c'est qui? Je sais pas. Bah, à ton avis? Bah, j'ai aucune idée. Attends, tu me reconnais pas? Bah non. Bah, attends. Eh, c'est pas possible que tu me reconnaisses pas quand même. Bah il a raccroché, il t'a pas reconnu là Nico, hein, bravo hein. Ah il t'a bien, 32 secondes hein, Nicolas, c'était pas bon là, t'as 10 secondes de moins que Florian là. Bon et bah bougez pas. Le jeu c'est pas allô devine qui je suis hein. Ah oui, le jeu c'est la rupture, mais on reparle de ça dans quelques minutes. Ah oui bien sûr, oui, mais j'allais enchaîner après mais bon. Ah, bon on fait la suite juste après ça sur Fun Radio, restez là, il y aura Backermat à suivre. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. Mickaël. Ferme ta gueule, gros bâtard. No Limit. Sur Fun Radio. C'est Fun Radio, bienvenue si vous arrivez. La Mickaël No Limit. On est en direct sur Fun avec la colle. Dans quelques minutes, on va reprendre Florian. En attendant, je vous la repose la colle si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a des boules et qui excite les vieilles? Voilà, qu'est-ce qu'il y a des boules et qui excite les vieilles? On peut les trouver dans les vieux bars également. Dans les cafés, quoi, tu vois. Dans les cafés, on joue, on met une petite pièce et puis ching, on tire. Enfin bref. Un flipper. Non. Bah, note pas loin. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L et la réponse au 64 900. Et puis, bah, si vous êtes tiré au sort, eh bien, je vous offre votre PC portable. Si personne trouve la bonne réponse, c'est Florian qui repartira avec le PC portable. Et vous pouvez aussi, bien sûr, venir nous rejoindre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L officiel. On est là depuis même pas 3 mois. On est déjà plus de 208 000 personnes hein, sur le Facebook. Donc, merci beaucoup. Continuez à faire passer le message évidemment auprès de vos amis. Je compte sur vous, c'est important. Pareil sur le Twitter, venez nous rejoindre également. Je vous rappelle que si vous me faites un follow sur MIKL_officiel sur Twitter, eh bien je vous follow également. Et par derrière pour les filles, bien évidemment, une petite poignée de main pour les garçons, bien entendu. Bon, je compte sur vous, on vous attend avec impatience. Dans quelques minutes, il y aura plein de messages aussi encore à lire. Et puis on aura aussi d'autres appels avec Toff là pour poser la question de savoir ce que les gens mangent pendant qu'ils font l'amour. On écoute le son de Backermat maintenant, c'est Vandax sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? 23h, 2h. Fuck! Mickaël No Limit. I don't fucking care! Sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, venez débarquer, on est en direct sur Fun Radio. Il y a Nanou qui est bienvenu à nouveau et vous venez de débarquer dans un monde où l'appel masqué peut être démasqué. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Exactement, Nanou, sur Twitter. Le prince est dit également qui dit le follow par derrière de Mickaël, mais il m'a marqué à vie, je m'en rappellerai toujours. Et lui seul sait aussi bien me follow par derrière. Ah bah oui, ça c'est sûr, t'as talent. Et puis Oriane qui dit Nicolas, t'as une belle voix, est-ce que tu es célibataire? Bah Nicolas, on va lui demander, hein, Nicolas, t'es là? Ouais, bah non, je suis pas célibataire. Ah merde, bon bah voilà, enfin, tant mieux pour toi dans un sens. Hein. C'était dur à dire en plus. Hein. Ah ouais, bah tant mieux pour toi. Voilà. Bon, on va continuer dans quelques minutes les appels avec Toff. Hein. Je rappelle que bah on est tombé sur cette info qui disait qu'il y avait des meufs qui. Enfin c'est une meuf en l'occurrence à Las Vegas qui kiffe faire l'amour en bouffant des donuts, des cupcakes, des glaces, etc. Et donc venez nous dire ce que vous aimez manger, si vous aimez manger ou qu'est-ce que vous aimez faire en particulier pendant que vous faites l'amour. Donc vous nous appelez évidemment 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. On va récupérer dans quelques minutes également Fred, on aura Sébastien, Mamadou et puis on va continuer d'abord le jeu de la rupture. Maintenant je rappelle que pour l'instant c'est Florian qui est en tête avec 42 secondes pour le jeu de la rupture. Et que pour ceux qui viennent de débarquer, le principe de jeu de la rupture est très simple, il suffit tout simplement d'appeler quelqu'un au hasard. Donc vous êtes deux dans le standard, en l'occurrence ce soir Florian et Nicolas. On appelle quelqu'un au hasard et le but est de tenir le plus longtemps possible, en tout cas plus que l'autre, avec une conversation de rupture. Alors attention Nicolas, c'est bien une conversation de rupture, pas je suis, t'es qui, bah, tu me reconnais pas, ouais, bien machin. Sûr, d'accord. Okay. Bon. Donc c'est dès le départ, ouais mais écoute, tu sais, écoute, faut qu'on arrête là, j'en peux plus, etc. Bref. Dans le sujet, quoi. Ouais, comme Florian l'a fait. Oh, okay. Quoi qu'il en soit, il y a une justice puisque Florian a fait 42 secondes et tu n'en as fait que 32, Nicolas. Voilà, donc il y a 10 secondes de retard. Exactement, bah pas vraiment de retard, disons qu'on prendra le meilleur score. Donc si tu fais, Nico, au prochain appel 43 secondes et que Florian en fait moins, tu gagnes. Ok, ça marche. D'accord. Bon, ça marche. Florian, on recommence avec toi, on appelle au hasard. Ouais, y'a pas de souci. Allez, c'est parti, donc essaye de faire mieux que 42 secondes hein, dans l'absolu. Oui, pardon. N'est pas disponible pour le moment. Attends, ça c'est un répondeur, c'est pas grave, on en appelle à l'autre. Pas de problème, t'inquiète. Allez. Et dès qu'il n'y a plus de musique, c'est à toi, hein, vas-y. Hein. Oui, allô ? Oui, allô, c'est moi. Allô ? Oui, donc je viens d'apprendre que tu m'as trompé, là. C'est qui ? Tu m'as trompé, c'est ton meilleur ami qui m'a dit ça. C'est qui ce con encore ? Putain, j'ai pas que ça à foutre. Si, non, mais il vient de me le dire, là. Tu m'as trompé, je suis désolé, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux savoir. Putain, c'est trop con, ça. Ah, merde. Ah non. Il y a quelque chose qui va pas, là. Ah ouais, franchement, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas du tout, là. Je t'ai même trompé deux fois. Non, je me suis pas trompé, tu m'as bien trompé avec quelqu'un et je veux savoir ce qui s'est passé. Ah ouais, même deux fois, moi, je crois. Alors là, j'étais dans une grosse tournante, j'étais complètement bourré. J'étais pendant un bal masqué. Tu m'as trompé, donc c'est vraiment terminé entre nous, d'accord ? Oh putain, merde, non, laisse-moi une chance. Oh, laisse-moi une chance. Non. C'est une dernière, allez. Non, c'est vraiment terminé. Je te jure, c'était un accident. Non, il n'y a pas d'accident. Tu m'as trompé, c'est fini. Allez, s'il te plaît, une dernière fois. Il n'y a pas de dernière fois. Tu m'as trompé. Je t'offre des roses comme tu aimes, en plus. Non. Allez. T'inquiète pas, dès que je rentre, je passe te voir. Pas de problème. Non, c'est fini. Oublie mon numéro. Ah, de toute façon, je l'ai pas, donc ça va être compliqué. Tu supprimes mon numéro, tu supprimes mes photos que je t'ai envoyées, c'est fini entre nous. Donc là, il nous entend pas. Tu veux plus les afficher, même pas. Non, c'est terminé. Même franchement, tu peux faire une croix sur moi. Même celle qui est sur ma lampe de chevet. Oui, c'est fini, je te le promets que c'est fini. C'est ton meilleur ami, il m'a fait voir des photos. Une 40, franchement, c'est... Bon, il a eu du cul. Ah bah franchement, alors là... Oui. Franchement, je suis déçu, je croyais que t'étais pas comme ça, mais franchement, je suis déçu. Ah ouais, c'était un accident, tu sais, j'étais complètement torché. Alors, tu sais ce que c'est. Un accident, ça se rattrape pas, moi je pardonne pas, c'est terminé. T'es triste ? Oui, c'est sûr et certain, j'en reviendrai pas dessus. Tu veux suicider ? Tu pleures ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Oui, c'est clair. Oui. Bon, tant pis, on va se dire au revoir alors. Ouais, allez, bye, adieu. Adieu. Je supprime mon numéro, hein, surtout. Hein. D'accord, promis, il n'y a pas de souci. Bien bon. Intérêt. Allez, au revoir. Adieu. Tac, 2-21. Bravo. Oh là là. Oh, c'était un grand bravo. Ah, t'as eu du bol, hein. Eh, Florian, t'es tombé sur un bon client, t'as eu de la chance. Ah, il a eu du bol. Ah ouais. Bon, après, t'as bien joué aussi, Flo, c'est pas ça. Hein. Bon, bah, 2 minutes 21, Nicolas, record à battre. Hein. Mis la barre haute. Ah, il a mis la barre très très haute. Hein. Bon, t'es pas trop triste, bravo, Florian, en fait. Non, ça va, je suis bien, là. Bon, Nico, à ton tour, hein, mec. Eh, bon courage, bon, fais pas le malin. Fais pas le malin, Flo, parce que la semaine dernière, on avait aussi un mec qui faisait le malin comme ça. Il était bien, bien haut et il s'est fait démonter la gueule. Hein, donc, Ça m'étonnerait. Ouais, mais ça m'étonnerait. Ouais, mais voilà. Merci. Fais attention quand même, on sait jamais. Bon, allez, c'est parti, on y va. On appelle un autre, Nicolas. Donc, Florian, je te mets de côté. On y go. Bonne chance, Nico. Ouais, on va essayer. Dès qu'il n'y a plus de musique, c'est à toi. Ouais. Prends le cul qu'il a eu là tout de suite, là. Quelle violence. Ouais. L'autre il va tomber sur un grand-père, tu vas voir, ça va être fissa en 30 secondes, la faire est plier. Oh, tu sais, les papys s'ennuient des fois. Ouais, faut. Oh, bah, c'est torsi. Répondeur. Bon, bah, on va appeler un autre là, il décroche pas celui-là, c'est pas grave. Hop là, on appelle un autre, on y retourne. C'est parti. Allez, putain, c'est toujours le dernier appel qui traîne. Eh ben voilà, bravo Nico. Zéro seconde. Nico, qu'est-ce que t'as pas qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Parce qu'il n'y a pas que toi, c'est tous les auditeurs. Quand je vous dis quand la musique s'arrête, vous y allez. Donc ça veut dire qu'il faut faire allô. Oui mais bon, quand il n'y a personne qui répond. Bah oui mais justement, et si lui se dit pareil, celui qui décroche. C'est toi bon, qui appelle. Je te laisse encore une chance, Flo. Tu es trop bon. On appelle quelqu'un d'autre. Bah non mais le pauvre là, il n'a pas eu le temps de jouer. Gentil. Allez vas-y Nico. Quand il n'y a plus de musique, tu dis allô, d'accord? Eh, tu vois, ça a pu décrocher de nouveau. Allô? Mais allô? Ouais. Écoute, c'est moi. Ça va? C'est qui, moi? Bah, ton avis, hein? Je voulais te dire, hein, c'est fini, hein. Parce que moi, franchement, hein, j'en ai marre, hein. Parce que à chaque fois, c'est la même chose avec toi, hein. Je suis désolé, hein. À chaque vous fois... Non, je me trompe pas de numéro. Non, je me trompe pas du tout de numéro, hein. Parce qu'à chaque fois, le matin, tu me files un coup, le soir, tu me files un coup. Écoute, j'en ai marre de me faire battre, je vais porter plainte, et en plus, c'est terminé entre nous deux, hein. J'en ai marre, hein. Parce que là, j'ai pété un câble, hein. Ok? C'est quoi, c'est taré? Allez, je suis pas un taré. Pourquoi tu dis que je suis un taré? Explique-moi maintenant. Explique-moi. Hop là, trop tard, c'est hop là, 52 secondes, il a raccroché Nicolas. Il a raccroché Nicolas, 52 secondes. C'est donc une victoire pour Florian. Ouais, bravo, Florian. Eh ouais. Bon ben bravo, hein, Flo, hein. Merci. Ah, il faut dire que 2 minutes 21, t'avais quand même pas laissé beaucoup de chance aux autres, hein, faut bien l'admettre. Faut dire quand même que Nicolas, il a tout donné sur la fin, c'était drôle. Tout donné là, effectivement. Bah bravo Florian. Tu repars donc avec la caméra numérique, je vais y arriver moi. Et puis bah Nicolas, on va quand même te filer le pack fun, d'accord? Ah bah c'est gentil. Bah avec plaisir. Bon bah bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée. Et à bientôt. Oui, vas-y Flo, à une seule personne, tu connais la règle, vas-y on t'écoute. Bah c'est pour une passing dédicace à ma femme qui m'écoute en ce moment et... Oh, c'est mignon. C'est trop choupignon. Mais oui, voilà. C'est mignon. Parfait. Eh ben écoute, pas de problème. Eh hey, Flo, tu savais? Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Oui, je savais. Ah, tu savais. Bon, bah très bien. Bah alors ça va. Si tu savais, c'est le principal. Encore merci. Bah avec plaisir. Salut Flo, à bientôt. Salut, à bientôt. Allez, ciao. Et puis on va récupérer Fred là de Marseille qui nous appelait parce qu'il avait été arrêté par la BAC. Toujours là Fred? Ouais. Bon, très bien. Tu nous avais appelé parce que tu t'es fait arrêter par la BAC. Ils t'ont foutu au commissariat? Ouais. Tu as eu droit à une petite fouille anale. Voilà. Petite fouille anale, surprise. Apparemment, oui, c'est ça. Apparemment, t'as bien kiffé. Enfin, depuis, t'as bien kiffé. Du coup, tu te dis, bah, finalement, est-ce que je suis gay ou pas? Alors, il y a plein de messages sur le Twitter qui sont arrivés en disant, c'est pas parce que t'aimes bien les doigts dans le fion que automatiquement t'es gay. Il y a des meufs qui peuvent le faire. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a des meufs qui le font visiblement très bien. Moi, je n'ai jamais testé. Préfère pas essayer. Moi non plus. Ça nécessite un peu d'entraînement et de doigté. Ça nécessite du doigté, effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, les infirmières le font beaucoup mieux, mais parce qu'elles ont l'habitude. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Donc, moralité, il faut s'entraîner avec une infirmière, quoi. C'est mieux. Ah, ou c'est alors mieux. Avec un mec de la BAC. Avec un mec de la BAC aussi, oui. Il y a Mike qui dit, mais j'entends toujours mon message de bienvenue. Bah, dis donc, tu n'as pas encore eu ton message de bienvenue, attends une seconde. Je vais te le mettre, moi, tu vas voir. Et attention, il est violent, hein. Toi, fils de pute, d'enculé de ta grand-mère. Voilà, il y a Romain qui dit aussi, avis à la fille de tout à l'heure, je suis célibataire, moi. Ah oui, c'est Julie qui était là, dit Eric aussi, qui dit mort de rire, excellent cet appel, c'est trop fort. Et le prince est là qui dit, le mec rentre dans le jeu, là, j'ai bien l'impression, c'est bon ça. Et Nanou qui dit, il m'a trompé, pété de rire, j'en peux plus. Et Léa qui dit, des donuts pendant l'action, c'est quand même chaud. Bah oui, déjà, faut les avoir aussi, surtout, hein, mais bon. Bon, cela dit, il y a Sébastien qui est avec nous, encore un Marseillais, là, 20 ans, salut Sébastien. Salut. Comment ça va? Savez-vous qu'un appel masqué peut être démasqué? Non. Vous savez qu'un appel masqué. Si, je vous en apprends des choses. Sans déconner. Ouais, toi, j'ai quelque chose dans le cul, tu vas voir, salope. Ah oui, mets-moi quelque chose dans le cul. Bon, Sébastien, tu voulais réagir, toi, par rapport à Fred? Ouais, alors ouais, parce que j'ai déjà testé cette pratique. Mais pratique genre avec nos amis de la BAC ou pratique avec non, ton mec? Non, avec ma copine. Avec ta copine, d'accord. Voilà, c'était plutôt kiffant. On va arrêter de critiquer la BAC parce qu'on va se faire serrer un de ces quatre. Ouais, un de ces quatre. On nous attend, c'est ce soir. Exact, ouais. En plus, ils ont enquillé de la BAC. Hein. Ouais, mais de toute façon, tous les gens dans cette équipe qui disent du mal de la BAC, il y en a qu'une seule, c'est Toff. TOPH, il a une polo noire. Voilà. Donc, déteste la BAC. Vous pouvez l'attendre devant la radio et il y a marqué Charleroi sur sa voiture. D'accord. Voilà, en très grand. En très grand. Voilà, c'est ça, exactement. Vous pouvez le choper facilement. Message est passé, il vous aime à la BAC. Oui, il ne vous aime pas, il a dit c'est des enculés à la BAC, voilà, c'est ce qu'il a dit. Un hein. BAC, ça sert à chier dedans. Il a dit, je cite, ce sont des enculés à la BAC, fermez les guillemets. Ouais, les guillemets, pardon. Voilà, donc c'est ce qu'il a dit. Hein. C'est ce que, voilà. T'es témoin, Sébastien, c'est ce qu'il a dit, Toff. Ah ouais, je suis témoin. Fred, t'es témoin aussi, c'est ce qu'il a dit, Toff. Hein. Ah, j'ai tout entendu. Très bien. D'ailleurs, on va lui mettre un coup de pelle dans la gueule. Voilà, comme ça au moins, on a un peu vengé la BAC. Voilà, on est avec vous, nous, la BAC, on vous aime. Alors, Sébastien, comment t'as pratiqué, toi, la première fois, cette petite fouille? Enfin, cette petite fouille. La première fois, C'était chez moi. Ouais. Et voilà, pendant l'action, au début, j'étais un peu réticent parce que c'est un peu bizarre. Bah oui. Mais, ouais, j'ai dit non. Et après, ça s'est un peu chauffé, on va dire. Et après, je me suis laissé faire et franchement, je regrette pas. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu kiffes? C'est quoi le plaisir ultime que tu ressens? Ah mais c'est... Moi, je peux pas des gémissements pendant l'acte, en fait. Et quand elle a mis le doigt, ben en fait, j'ai poussé pas des cris forts, mais des petits gémissements, et ça m'a fait bizarre. Ah ouais, ça démultiplie le plaisir que t'as pendant la fellation. Ouais, vraiment. Ah ouais, bon bah... Dites-nous les filles, est-ce que vous avez déjà testé genre par surprise à votre mec ou vous lui avez demandé comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a kiffé, il a pas kiffé? Venez nous en parler les filles, appelez-nous hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour qu'on puisse en parler justement. Tiens, il y a un message aussi qui est arrivé d'Emily qui dit: oui, un doigt dans le cul c'est pas méchant, ça veut pas dire que t'es gay. Non mais bien sûr, on est d'accord. Et Oriane qui dit: d'abord savoir si il est célibataire. Et mince, j'adore ta voix, tu es quand même ok pour qu'on se voit. Bah, visiblement non, c'était pour Nicolas qu'on a plus là maintenant au téléphone. Et Jean-Pierre qui dit: je suis nouveau, j'attends le message de bienvenue, j'ai une préférence pour le petit enculé. Alors si vous commencez à choisir les sons, alors on n'est pas dans la merde. Alors une seconde, voilà. Espèce d'enculé. Voilà, je sais pas si c'est celui-là auquel tu t'attendais, sinon j'ai peut-être celui-là aussi. Espèce d'enculé, va. Voilà, je sais pas si c'est un de ces deux-là que tu voulais, mais en tout cas tu les as eu. Bon, et bah très bien. Et Sébastien, c'était une demande ou c'est ta copine, elle a pris l'initiative et elle s'est dit: allez hop là, on y va? Bah, au début, elle me caressait la fesse et après, j'ai senti qu'elle se dirigeait vers le trou et là, j'ai dit non, laisse tomber. Ouais. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, ça s'est chauffé, elle l'a mis d'un coup sec. Oh, et t'as eu mal, non? Bah, un peu sur le coup, ouais. Non, mais ça va, c'est pas si loin. Ouais, c'est ça, les filles et même les mecs d'ailleurs, hein, faites ça, il faut préparer. Hein. Ça se prépare. Rocco, qui est un ami, Rocco Siffredi, acteur porno de son état, nous a dit: il faut préparer la fille en anal. Voilà, j'adore ça. Ou même le mec, mais il faut préparer quoi. Non, faut pas y aller comme des bourrins. C'est clair que c'est mieux de le faire avec du lubrifiant. Hein. Voilà, parce que c'est la salive, ça. C'est pas terrible. Ouais, lubrifiant, c'est mieux, quoi. Effectivement. Ouais, Seb, tu dis? Ouais, ça a vu, ça fait un peu bizarre sur le coup. Ah oui, sur le coup, ouais. Ah bah, tu m'étonnes. Finalement, je regrette pas. Très bien. Bon, bah voilà, pourquoi pas. Dites-nous, les filles, les garçons, vous avez déjà testé 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Sandro, t'as déjà essayé toi dans le fion d'un mec? Non, on m'a jamais demandé. T'as pas essayé? Non, bah je sais pas, ça, même moi ça me bloquerait, je pense. Ah ouais? Non, je te bloque pas. Je me vois pas mettre un doigt dans un cul. Non, quoi. Non, mais pourquoi pas. Choisir, tu préfères dans le tien, quoi. Je ne comprends pas cette question. Ouais, c'est ça, il dit mon consent, c'est bon, la coupe. Te casse pas la tête. Non, elle préfère les gros sexes, pas les doigts, voyons. Hein, c'est trop petit. Bon, bah merci Sébastien d'être passé, tu reviens quand tu veux. Bah merci beaucoup. Et on passe une petite dédicace. Oui, bah vas-y, il y a une personne là, vas-y. Une personne, bah ce sera à Pano, voilà. À Pano, d'accord, ok. Bah ta copine sera contente, tiens. Ouais. Ça non, marche. Non, ma copine, elle a une place particulière. Ah d'accord, ok, ouais, très bien. Trop mignon. Ouais. Voilà. Bon, salut Sébastien, salut Fred, salut. Merci à vous de d'être passé. Bah merci à vous. Et vous revenez, quand vous voulez tous les deux à Marseille, on embrasse tout le monde. Non, je voulais dire la place particulière, c'est dans son cul. Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. Allez, restez sur Fun Radio, il est minuit 7, on est toujours en direct, il n'y a pas de pub, là, on est au cœur de la nuit sans pub, donc profitez-en bien. Venez nous rejoindre également sur le Facebook de l'émission, il y a toujours la colle évidemment avec Florian, juste après Basto on en parle. La colle avec Florian pour gagner votre PC portable et si vous voulez prendre de l'avance, eh ben rencard maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Pareil pour nous ajouter sur Twitter. On vous attend nombreux et nombreuses d'ailleurs. Je vous follow bien sûr si vous venez me rejoindre sur le Twitter. C'est Basto qu'on écoute maintenant. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Oui bon bah c'est bon là. 23h, 2h. Fuck Mickaël Nolimi. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun, la minuit 10. Il y a Christopher sur le Twitter qui dit: j'ai un nouveau jeu, c'est le Fisk Fucking. Le Fisk, hein, Fisk. F-I-S-C, j'ai un toucher fiscal, j'en ai encore mal. Je m'étonne. Mickaël, c'est un gore sérieux, faut cracher dans le trou pour dilater ses piwis. Merci Piwi pour ce détail. Et Megumi qui dit: je vais pas entrer dans le détail, mais j'ai joué avec le petit, entre guillemets, de beaucoup de mecs qui jouaient les bons hommes. Ils ont tous kiffé. Et puis Youssef qui dit, fais-nous un DJ Mimi. Vous savez qu'il y a un appel peut-être démasqué, je kiffe trop. Ouais, ouais, on va en faire un. Et, bah, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que... Ah, bah tiens, ça arrive. Il y a World Beach qui arrive sur Fun Radio. Remix in the beat, ah bah ouais, in the place, man. Et à mon avis, on aura DJ un avis. Mimi, on aura un guest. Vous savez qu'il y a un appel masqué, peut être démasqué. Ah bah oui, il va être là, lui. Hein. M-I-C-H-E. Ouais. Et ouais, et puis on aura aussi Avicii. Avec Hey Brother. Et puis Katy Perry, mon ex. Et si vous avez envie d'écouter des sons en particulier, bah faites votre demande, hein. Vous mettez le hashtag Mickaël sur le Twitter et puis bah forcément bah on lit tout ça et ouais, puis on passe les morceaux. Du moins quand c'est possible évidemment. Bon allez, hashtag Mickaël, allez-y, venez nous rejoindre également sur le Facebook et le Twitter. Et puis j'avais promis qu'on récupérerait Florian là maintenant. C'est parti pour Florian, le retour avec la colle. Florian, 18 ans de Vendée. Peut-être ouais, un PC portable pour toi si personne ne trouve la réponse à la colle. Vas-y Flo. Alors la colle, c'est qu'est-ce qu'il y a des... Attends, qu'est-ce qui a des boules et qui excite les vieilles? Bon alors, qu'est-ce qui a des boules et qui excite les vieilles? Il y a Valou qui proposait la pétanque. Non. Ça aurait pu, notre. Mickaël, on propose un pénis. Non. Les boules de geisha. Non. Ça, c'est pas les vieilles, ça existe. Les boules. Il y a les boules. Non. Il y a Jix qui dit motus. Non. Non, il y a une bite. Non. La pétanque, bon, on l'a déjà dit, non, c'est pas ça. Un pied de tomate. Non. Ouais, bon, les vieilles, c'est ou tricot ou jardinage. Ouais. Un sextoy. Non. Les haricots, c'est plein de boules, il faut tirer sur sa queue. Non. C'est pas mal. Le billard. Non. Un jukebox, un flipper. Non. Non, flipper, il avait dit tout à l'heure pour les grains un de café. Non. Les grains de café non plus. Bon, bah tant pis. Hein. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, vous, à vous de jouer. Hein. Vous envoyez Mickaël, espace la réponse par SMS. Mickaël, les 4 lettres, espace la bonne réponse. Vous envoyez le tout par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi jouer, bien sûr, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Voilà, il y a l'énoncé d'ailleurs de la colle qui est dessus. Vous pouvez répondre, bien entendu. Florian, on te récupère dans. On donne la réponse dans un peu plus d'un quart d'heure. Donc, bah. Okay. Peut-être que dans un quart d'heure, tu seras le repropriétaire d'un PC portable, Florian. Ouais. Bon, salut. Ok. Ouais, salut. Allez, à bientôt. Ciao à toi. Bye. Bon, alors, bonne chance donc. Et puis, on va se faire aussi les teubés de la télé, hein. Bah, oui, c'est l'heure. C'est l'heure ouais. Bah, évidemment que c'est l'heure des teubés de la télé, là. Bon, teubés de la télé. Attention, on y va. Ils sont mes teubés. Ah oui, voilà, c'est ça. On va parler des ch'tis à Hollywood. Vous savez qu'il se passe toujours beaucoup de choses. Hein, dans bah, c'est les... surtout qu'on apprend beaucoup le français. Ah ben on apprend surtout effectivement beaucoup le français, je confirme. Et dans les ch'tis Hollywood, bah, y a Vincent qui nous fait découvrir un nouveau pays. Je ne connaissais pas. Et là, le jeu commence. On en refile notre petite combinaison qui ressemble à rien. Tête de cul. En mode Chabertouland. En mode Chabertouland. Eh oui, moi je. Moi ça doit être un beau pays. Mais oui. Justement, je sais pas où partir en vacances cet hiver. Eh ben va à Chabertouland. Eh ben Chabertouland. Chabertouland. Eh ben voilà. Magnifique. Très beau, j'imagine. Et puis dans Séduis-moi si tu peux, on a eu très, mais alors très peur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Johanna? Qu'est-ce qui a fait tilt dès qu'il est arrivé, Joris? À une paire de chaussures. Oh, mais fait peur. Voilà, donc c'est la paire de chaussures qui a fait peur, bien entendu. Bon, donc si vous avez des sons, si vous êtes tombé sur des trucs un peu drôles à la télé, n'hésitez pas à nous le dire, évidemment, ça passera bien sûr dans les teubés de la télé. Bon, on a qui est avec nous? Eva Mélie avec nous. Bonsoir Eva Mélie. Oh Eva Mélie. Salut tout le monde. Comment ça va Eva Mélie? Ça va. Bon, on t'appelle de Melun toi? Ouais. Ah, j'ai dans le message, il y a dans Sandro m'a mis un message entre parenthèses. Elle est pressée, prends-la. Moi, il me faut un minimum quand même de préliminaires. Faut quand même qu'on discute. Enfin, tu vois. Si vous insistez, je me sacrifie. Combien mesures-tu? Oh bah oui, tiens. 1m60. Combien pèses-tu? Arrête! Je fais 46 kilos. Oh, c'est bon ça. Quel est ton tour de poitrine? 85D. D comme Denise ou comme des énormes seins. Dark Vador. Comme délicieux, comme drame. Non, pas dramatique, comme. Drac. Comme dada. Comme dada. Ou comme dedans. Du con pour Toff. Ouais. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Du 34. Oh, oh. Oh oui, Eva, oui, je, Bah écoute, finalement, je peux te prendre plus rapidement que prévu. Moi, c'est sans préliminaire, y a pas de souci. Hein. Y a pas de problème, hein, suffisait de demander. Par contre, le rire, faut faire quelque chose. Hein. Ouais, bah c'est pas grave en même temps. Ah, bien méchant. Moi, je mettrais bien un coup de pelle pour la Valois. Bah écoute, avec plaisir. Dans la gueule de Polo. Voilà, et j'en ai dans la gueule de Toff, il le mérite quoi qu'il arrive. De toute façon, il y a c'est pas grave. Et si, franchement, si je ne sais pas pourquoi je lui mets, il le sait. Il doit certainement le savoir. Oui, parce que j'allais dire un truc dégueulasse. Bah voilà, tu vois, finalement, j'ai fait la prévention ce soir. C'est très bien. Bon, Eva. Oui. Alors, ma chérie, on va parler de quoi là? Tu voulais nous dire quoi? Alors, moi, en fait, je voulais réagir à l'auditeur qui était juste avant. Oui. Moi je veux faire beaucoup d'envieux parce que moi j'ai déjà fait une bonne pipe à mon chéri en jouant à GTA alors qu'il était dans un magasin de striptease. Quoi attends. Répète. On va remettre les choses au clair. Hein. Attends, répète. On met un rewind et tu répètes. Alors donc, tu as fait une. Alors j'essaye de résumer. Tu me dis à quel moment je me trompe ou j'ai plus bien compris. Donc t'as taillé une pipe à ton mec. Ouais. Jusque là il a beaucoup de chance. Oui. Voilà, enfin je suppose. Sauf si tu mets les dents, bref, c'est pas le débat. Non, surtout non, qu'il veut faire non. Une bonne branlette espagnole. Voilà, donc oui, il surtout. Était dans un. Il jouait à GTA. Oui, c'est ça, il jouait à GTA. D'accord. Ok. Enfin, je m'achète le jeu moi. Et en fait son personnage était dans un club de striptease. D'accord. Tout ça. Ok. Ah putain, ouais, pas mal. Et il est là le copain là? Ah oui, il est là, je suis là, y a pas de problème les gars. Ah comment ça s'est passé, espèce d'enculé, va. Le mec rageur. C'est ça s'est pompé le dard tranquille, là. Ah, on est pas mal, ouais, tranquille, bah surtout que c'est pas le premier jeu sur lequel ça arrive, alors forcément, on y prend goût, hein. Alors c'est quoi le meilleur jeu? Parce que justement, tu dois élire le jeu que tu préfères pour le Bar Games Week le 29 octobre. Est-ce que tu viendras d'ailleurs, comme c'est à Paris? Ça c'est chiant le Paris. Si on m'invite, moi y a pas de problème. Si tu viens avec ta copine, je pourrais éventuellement te mettre deux tickets. Franchement, à mon avis, je pense qu'à mon avis, ma copine n'est pas une inconnue sur Fun Radio, malgré tout. Donc, c'est pas grave, moi en tout cas je la connais pas, c'est le principal. Vous allez pouvoir la connaître au fur et à mesure. Bon, est-ce que tu peux écarter ton téléphone de ta bouche déjà? Ouais. Voilà, parfait. Parce que sinon ça hurlait, on comprenait plus, ouais. Donc si tu viens avec ta copine, on peut s'arranger. Alors en tout cas, le meilleur jeu sur lequel elle m'a tapé une pipe, c'est God of War. God of War. D'accord, ok, très bien. Voilà. Dites-nous, tiens, ça peut être. Mais c'est un bon délire parce qu'on est bien en train de se défouler sur jeu. En même temps, on a une bonne pipe sur le côté, donc ça fait du bien. Rassure-moi, elle est pas en train de te pomper là pendant que tu nous parles. Pas encore, non. mais ça va venir. D'ailleurs, dites-nous. Ce serait possible, effectivement. Bah écoute, pourquoi pas. Est-ce qu'il arrive à tenir, est-ce qu'il arrive à être concentré? Ça dépend. En l'occurrence, je dirais que non, pas forcément. Parce que on pourrait en faire un jeu. Si t'arrives à être concentré, on pourrait t'offrir un cadeau. On va te parler de n'importe quoi, mais il faut que tu répondes bien à tout, correctement, sans hésitation, comme si t'étais super concentré. Franchement, ce soir, non. Oh, t'as une petite bite, va. Une petite bite. Mais oui, évidemment. Mais parce que j'ai envie d'en faire une juste avant. Mais ça se fait pomper 3-4 fois, vrai mec, j'arrive, viens chez toi. Comment envoie le scooter de Toff, s'il vous plaît? Mais bien sûr, attends, le scooter il démarre. Est-ce que Toff est d'accord pour qu'on le prête? Mais je vais emmener Polo personnellement. Très bien. Hop là. Ah bah voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a Lilou qui voulait s'y mettre aussi là. Suce ma bite. Ah. Voilà, ben on était justement dans le délire, tiens, c'est parfait. Bon, donc vous êtes des petites bites alors, hein, c'est ça que j'ai compris. Hein. Ouais, d'accord, ok. Non mais ok. D'ailleurs, dites-nous d'ailleurs vous, est-ce que vous avez déjà fait des trucs comme ça, des trucs sympas à votre copain ou votre copine, genre pendant qu'elle était au téléphone, pendant qu'elle était... ça peut arriver, il y a pour le coup, il y en a plein, j'en avais grillé une un jour, un mec un jour en train de se faire pomper le dard, il était dans une boutique, et il y avait un miroir, mais moi j'ai laissé pisser parce que c'était drôle. Et en fait, il a pissé dessus. Mais non, le mec était derrière le comptoir dans un magasin, non. Et en fait il se faisait pomper, non. Mais je l'avais grillé dans le, dans, dans un des miroirs et qu'il avait pas vu ou il avait oublié, je sais pas. Ah, et tu sais, moi j'achète mon truc, puis je me barre. Mais il avait de la chance, hein. Mais enfin, de la chance, j'ai pas vu la tête de la meuf, donc je peux pas dire. Mais en tout cas, j'ai vu ce qui se passait. Donc dites-nous si vous avez déjà eu l'occasion de vous faire justement comme ça des petits préliminaires, petite fellation ou petit cuni pendant que vous étiez, je sais pas, en train de travailler au téléphone, au bahut, chez vous, j'en sais rien, moi, n'importe quelle situation. Venez nous en parler. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Appelez-nous si vous êtes en Belgique, ça fonctionne également. Bon, Eva. Oui. Et toi, t'as déjà fait les cunis quand vous étiez dans un endroit un peu particulier ou jamais? Dans un club échangiste. Ouais, ouais, mais ça c'est pas... C'est pas... Non, c'est, non, c'est pas assez, ça compte pas, ça. Bah non, non, c'est bah c'est... Bah non, c'est comme si... Bah tu sais, c'est dans un club échangiste, quoi, tu vas pas là pour jouer aux cartes. Bah non, bah c'est sûr, hein. Bah non, mais voilà. Après, mais il faut voilà. avoir les couilles aussi, hein. Ouais, il faut avoir les couilles, ouais, d'accord. Mais tu sais, genre, par exemple, t'es. Ah, imagine, tu sais que t'as ta copine, elle a un rencard au téléphone avec un mec pour du travail ou avec le ouais, Pôle emploi. Mais même avec les parents, y'a pas de problème. Ou avec les parents, ouais, ou avec les parents. Et là, le but, évidemment, c'est d'arriver à tenir. À garder son sérieux. Ah, moi, j'y arrive, hein, sans problème. Ah, c'est compliqué, mais c'est mais non, mais toi, ouais. C'est pas, c'était une petite bite. Mais non, mais sérieux, non, mais c'est gérable. Ça dé... Non, franchement, si, non, moi, gérable. Moi j'ai des meufs. Il y a des fois c'est gérable, il y a d'autres fois c'est les pas. Moi ouais. Je suis tombé sur des meufs, je peux t'assurer que c'est impossible de pas lâcher prise. Parce que voilà, je trouve ça tellement bien qu'à un moment tu peux plus. Non, tu peux plus te retenir et faire semblant, il se passe rien. Non, non, non. Il y a Pierre qui dit aussi une pipe en direct avec. Quand tu fais un beau cumi à une femme, elle aussi elle peut pas tenir. Hein. Ouais, mais voilà, mais c'est pour ça que je voulais avoir la vie. Il y a Staffy qui dit moi oui sur l'autoroute. Il y a Pierre qui dit une pipe en direct avec le pipeau de Polo comme musique de fond, ça serait bon ça. Tu parles. Il y a Karine qui dit elle fait une. Un petit pipeau de Polo, franchement, ça serait du bien ça. Bah tu m'étonnes. Si tu veux, je te l'avais le pipeau, hein. Allez, un petit pipeau là. Ah ouais, mais elle fait quoi, Eva, là, pendant ce temps? Bah, qu'est-ce que tu prends une boule, moi? Elle est bien sexy ce soir. Ouais, mais ça nous fait une belle jambe, hein. Ça te fait une belle jambe? Ah oui, on n'a pas les photos, on n'a rien. Bah, nous, on est même pas en direct, on n'a même pas de vision, on n'a pas de visibilité. Vous savez quoi? Elle va vous poster une photo sur Facebook, là, dès qu'on aura raccroché. Eh ben très bien, parfait. Eh ben on raccroche. Qu'elle l'envoie directement sur mon mail et je la posterai. Comme ça tout le monde la verra, c'est plus simple. Enfin, si t'es d'accord, Eva. Facebook de fun, y a pas de soucis. T'es d'accord ou pas, Eva? Ouais, je suis d'accord. Bon, ouais. Donc envoie-la-moi sur mikael@funradio.fr et je la posterai derrière. Ok. Ouais, je te posterai par derrière, voilà, tout simplement. Et y a Gaël qui dit moi je me suis fait sucer dans la file d'attente du Space Mountain à Disney, sympa. Anthony qui dit moi je me suis fait sucer en conduisant, c'était terrible. Ça c'est énorme, c'est énorme. Ah ouais, y a Karine aussi qui dit elle a fait une pipoulette à son mec lorsqu'il jouait à GTA. Ça c'est une vraie fille. Ah bah oui. Et puis Megumi qui dit moi mon 85C comme cochon, ça me colle tellement à la peau, quelle réputation. Ah ouais, mais bon c'est pas grave, c'est bien comme réputation. Hein. Et Christopher qui dit être cité dans Mickaël, se sentir trop frais, s'aimer, se marier avec soi, se tromper, se casser la gueule, Christopher. Bah écoute, avec plaisir. Et puis encore Oriane qui dit merci, elle déchire votre émission. Merci beaucoup, Oriane. T'as mérité un petit message de bienvenue. Ouais, et ma bite sur ton front. Et aussi d'ailleurs, voilà. Bon, bah merci en tout cas, Eva. Du coup, on est pressé de raccrocher, hein. Oui. D'ailleurs, je vais raccrocher tout de suite. Voilà, à tout de suite. Donc, mikael@funradio.fr, hein, tout le monde attend. Hein. Oui, y a pas de problème. Bon, ça roule. Allez, gros bisous, Eva. À bientôt. Hein. Bisous. Salut. Ciao à vous. Bye bye. Mamadou, qu'on va prendre dans quelques minutes. On aura Jordan qui voulait aussi réagir par rapport à l'auditeur qu'on a eu au tout début. Je me souviens plus comment il s'appelait. C'était Fred, exactement. Ouais. Ouais, qui s'était fait arrêter par là-bas, qui avait eu une petite visite anale et il avait kiffé d'ailleurs. On va en parler dans quelques minutes. Exactement. On va en parler dans quelques minutes avec Jordan, avec Adrien également, avec Tom. On aura Florian pour la colle. Et puis on va faire encore quelques petits appels dans quelques minutes. Bah j'espère bien. Bah oui, quelques petits appels évidemment, puisque bah il y a une meuf à Las Vegas aux États-Unis qui apparemment dit qu'elle kiffe faire l'amour en bouffant des donuts, des cupcakes, des glaces, etc. Et donc on appelle des gens pour voir ce que eux ils font pendant qu'ils font l'amour. En général, on se fait relativement mal voir évidemment. Je comprends pas. Oh, si on se mettait un petit Britney Spears. Ah bon, est-ce qu'il est prêt? Vous savez qu'il y a un appel masqué peut être démasqué. Très bien. Bon alors tout est prêt? Ouais, et ma bite sur ton front. Bah, très bien. Une grosse salope. Voilà. Et moi je vais baiser ta mère, non? Bon parfait. Bah tout est prêt, je pense qu'on peut y aller là. On est prêt là, c'est bon? Ouais, alors attention. Et in the mix. Yo! Yo! Minuit 25, c'est je me mets au platine là. Ah, attendez. Ouais. Ah, il y va, il est assez platine et tout, hein. Ouais, t'inquiète pas là. Je me mets au platine, on va faire un remix, c'est Britney Spears featuring Mickaël, voilà, et c'est Work Bitch Motherfucker. C'est le nouveau titre. C'est du lourd. Ah ouais, Work Bitch Motherfucker, c'est Britney Spears en featuring avec moi-même. Attention, on se le fait péter maintenant sur Fun Radio, minuit 25. Bienvenue si vous arrivez. C'est Mickaël No Limit. Il y a José qui dit Mickaël, j'ai baisé ma copine avec sa mère au téléphone, elle criait à moitié. C'est bon ça. Ça, c'est un des trucs que bon. Je voudrais faire ça. Ah bah écoute, reste plus qu'à essayer. Hein. Britney Spears en featuring avec moi-même, c'est Work Bitch Motherfucker. Hein? You wanna? Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Sale con. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Oh là là! 23h, 2h. Fuck! Mickaël No Limit. I don't fucking care! Sur Fun Radio. Fun Radio. Oh mon dieu, ça m'a épuisé encore une fois là. Le remix Britney Spears featuring et Mickaël avec évidemment ce magnifique morceau Work Bitch Motherfucker. Avec Mathias qui dit comment il a géré DJ Mimich, la Moziman à côté prise couchée, DJ Mimich forever. Mais oui, mais je vais le dégager de Party Fun quant à Moziman. Il le sait pas encore, mais ça va venir. Il y a GTR qui dit oh là là, qu'il est bon ce mix. Ouais. Il y a Christo qui dit toujours au top. Nanou qui dit qui peut nous tester sur Fun Radio. Personne, même Valentin n'a pas la réponse. Ah bah c'est pour vous dire. Let's Be Flux qui dit je crois que l'état grand-mère elle suce des nains et vous avez un appel masqué peut être démasqué, vont me marquer à vie. Yako aussi, parfait le remix, surtout le sale con. Nanou qui dit le remix, il déchire la culotte, le soutif c'est chaud. Léa qui dit Work Bitch Motherfucker, c'est une tuerie. DJ Mickaël est dans la place. Bah oui, DJ Mickaël on platine, c'est bon ça, c'est Mickaël qui avait envoyé le message. Le principe qui dit Work Bitch Motherfucker tout de suite, c'est parti. Britney featuring et Mickaël. Et puis Nanou qui dit mort de rire le remix, le plus grand DJ Mickaël c'est Florent. Emily qui dit aussi Work Bitch Motherfucker. Tony qui dit génial le remix, vous avez bien kiffé hein. Cerise également, la DJ Mimine is in the place. Et Pierre qui dit que du bonheur, DJ Mimi au platine sur le plus grand dance floor. Mickaël en live sur Fun Radio. Et oui. Bon ben voilà, vous en avez eu des messages de bienvenue là hein. Ça a plu là hein. C'est énorme. Un top. C'est énorme. Bah oui. J'ai tu adoré. Le matin, je me lève avec ça. Hein. Mais t'as raison. Je les copie tous. Et mais c'est ça la vie. Bah ouais, attends. Mais c'est ça la vie. Bien sûr que c'est ça la vie. Moi, c'est ça la vie. Non, mais c'est ça. Ouais. Non, parce que sinon faut y aller à un moment. Hein. Dès que j'ai un coup de mou, moi je me les remets. Oui, bah bien sûr. Ah, ça m'a enculé au clochard. Voilà, et oui, il adore. Parfois il appelle, il reprend les numéros, il les appelle de chez lui. Grave. Voilà, c'est ce que je vois. Pouvez-vous m'insulter, s'il vous plaît là. Ouais. Mais complètement perché. Mais non, mais insultez-moi, mais monsieur, oui. Vous êtes malade. Mais insultez-moi. Enculé. Bah. Bon, on va justement appeler des gens maintenant, Tof, là, pour cette grande question. Adrien qui est avec nous également de Bordeaux là, ça va bien? Ça va et toi? T'as écouté le remix, t'as bien aimé ou pas? Ouais, nickel, comme toujours. Ah bah oui, et Jordan également, salut Jojo. Salut. Ça va bien? Salut. Oui, allô, vous m'entendez? Ah bah oui, on t'entend bien et toi? Ah, ça sent un mec mou ça. Je suis en train de conduire. Pour ah d'accord, ok. T'as entendu le remix là, DJ Mickaël avec Britney Spears pour le Work Bitch Motherfucker? Pas mal, hein? Pas mal. Ah bah très bien. On n'est pas à la place des mecs qui se font appeler. Oui, en plus, ouais. Bon, ben merci Jordan et Adrien. Ben merci en tout cas pour tous vos messages là. Ça me fait plaisir. J'hésitais à prendre le contrat dans Party Fun. Ben je vais le faire. Ouais, il faut. Je pense que je vais le faire. Ben oui, Moziman, il vaut pas le coup. Peut-être que je sortirai une compile. Ou deux. Oui. Ça pourrait bien t'aller, hein? Bah, peut-être un triple album. Allez, vas-y, avec plaisir. Ah bah je vais faire un triple album. Dans une belle boîte. Exactement. Est-ce que vous aimez manger en faisant l'amour, Jordan et Adrien? Ah, j'ai jamais testé, mais pourquoi pas, ouais. D'accord. Et toi, Jordan? Je fais que ça tous les soirs en ce moment. Non, mais t'es sérieux, tu tombes la gueule? J'ai jamais testé, mais pourquoi pas. Non, parce que c'est une Ricaine à Las Vegas qui apparemment bouffe des donuts, des cupcakes, des glaces, et donc du coup avec Tof, bah on appelle ce soir des gens pour voir si ce qu'ils bouffent quoi. Hein? Enfin bref, j'ai envie de te dire, il faut tout pour faire un monde, non? Bah oui, justement. Bah alors non. On va vérifier, on va appeler maintenant pour voir tous les numéros que les auditeurs nous ont envoyés tout au long de la soirée directement sur le mail de Tof, la toph@funradio.fr. Eh ben on va appeler maintenant, c'est parti, on remet le coup, on met une petite couche. Bah allons-y. Allez, vas-y, on va. Allez, bon, bougez pas. Allez, Jordan et Adrien, on parle avec vous dans quelques minutes là, c'est parti. Avec plaisir. Allez, on y va. Allez. Allô? Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà fait l'amour en mangeant. C'est pas marrant du tout. Déjà, d'urne, vous voyez l'heure à quelle heure vous appelez. Oui. Et vous croyez que c'est des questions à poser? Bah oui, sinon je vous la poserai pas. Ouais, bah allez-vous la poser ailleurs, je vous le dis. Oh, dis donc, sympathique hein, la madame là. Bon, on rappelle, on rappelle, on rappelle. Ouais, on rappelle, on rappelle. J'ai reçu la photo d'Eva. Ah. Où ça? Mais la bite. Ouais, attendez, attendez. Allô? Oui, excusez-moi, mais vous avez raccroché un peu vite, vous avez pas répondu à la question. Eh ben, j'en ai rien à foutre, je vais pas répondre à votre question. Bah, si, c'est pour ça que je vous appelle. Ouais, bah, réponds à ta question toute seule. Réponds à ta question toute seule. Ah, putain, elle parle bien le français, elle. Ah, elle parle bien, ouais. Elle pourrait aller dans les ch'tis Hollywood. Bon, on rappelle. Avec Adixia. Avec Adixia, exactement, qu'on a reçu la semaine dernière. C'est vrai, attends, on rappelle. Allô? Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux toi? Bah en fait je voulais savoir si vous aviez déjà fait l'amour en mangeant avec votre femme. Eh connard, tu veux un grand coup de ma gueule, gros bâtard, moi? Mais pas du tout monsieur, je veux juste savoir si vous aviez déjà mangé ensemble. Enfin pendant que vous... Putain merde gros bâtard, fils de pute, moi. Oh, ils sont chauds là, ils sont chauds. Mais Yannou, lui, c'est les ch'tis ou comment ça se passe? Ah, bah oui, je pense qu'on était dans le nord là, ouais. Mais les mecs, là, on oui, ils ont deux mots, gros ouais, bâtard ouais. Et fils de pute. Exactement, ouais. Bon, on rappelle Jordan et Adrien encore un coup? Ouais, ouais, ouais. Allez, encore un. Encore un, c'est moi qui régale là, on y va, c'est parti. Je paye la communication, voilà. C'est moi qui paye. Alors. Genre, ils sont partis là. Oui, monsieur, faut pas le prendre comme ça. T'es qui, toi? Moi, je suis Toff, monsieur. De quoi? Moi, je suis Toff, monsieur. Pourquoi tu m'appelles en démasqué? Appuie sur le numéro, espèce de connard. Bah, je peux vous donner mon numéro, monsieur, mais ça va rien changer pour la question. Quelle question? Qu'est-ce que tu veux, toi? Bah, je veux savoir si vous aviez déjà mangé en faisant l'amour avec votre femme. Ferme ta gueule, connard. Ah, monsieur. Bah, il est parti, hein. Ah oui, putain, ah là là là là là, ils sont tendus ils sont quand même. Ce soir, hein. Bah ouais, ouais, ils sont écoute, ils sont tendus. Je sais pas ah, ce que je peux dire. Les numéros, je pense que j'en avais un bon paquet. Ah mais vas-y, donne, et surtout attention évidemment. Tu l'es de ta mère. T'es. Alors que tu vois, quand on avait appelé à Charleroi là, c'était vachement plus sympa, hein. Ah moi ce que j'ai bien aimé, c'est le putain de connard là, le mec avec l'accent là. Avec quel accent? Je sais pas, là t'as passé tout à l'heure pendant le mix, il y a un mec, il disait va te faire enculer, connard. Ah oui, le Corse. Le Corse, ouais. Ah ouais, attends, il est là, je croyais que c'est celui-là. Espèce d'enculé, t'es. Ah non, là c'était, non, attends, c'est celui-là. Espèce d'enculé, va. Non, pas celui-là. Voilà, celui-là, il était magique. Elle va te faire enculer, au clochard. Voilà, j'en ai plein. T'as rien à faire, connard. Ah ouais, ils sont tous là, t'inquiète pas, va. Tout le monde est là, tout le monde est en pleine forme. T'as reçu ta meuf, là, encule ta meuf, mais lâche-moi les couilles, là. Ah bah voilà, c'est ça, lâche-moi les couilles, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes, là, sans déconner, là. Faut arrêter de déconner maintenant, là. Bon, on va donc rappeler d'autres numéros, hein, si vous en avez. Et qui c'est qui a dit, c'est Jordan, t'as des numéros à nous filer? Ah ouais, j'en ai un bon paquet, si tu veux. Écoute, avec plaisir, hein, plutôt deux fois qu'une, je te dis. Oui, on en a pas mal de cas sociales. Parfait, on va te reprendre dans quelques minutes au standard, Jordan, on va prendre les numéros, t'inquiète. Bon, Jordan, toi, tu nous avais appelé pour réagir à Fred, là, qui nous avait appelé lui-même, pour nous dire qu'il s'est fait arrêter par là-bas, qu'il avait eu droit à un petit toucher anal, et il avait kiffé. Ah bah oui, bah ça, ouais, c'était pour réagir plus ou moins, enfin c'est un cas à peu près similaire, mais pas avec la police. Ouais. Moi ça m'est arrivé avec ma nana et une copine à elme. Je m'y attendais pas du tout, on me l'avait jamais fait et... Ouais, on va dire ça va, c'est pas... Au début j'étais pas très très chaud, mais ça va, c'est pas dramatique non plus, ça va, c'est plaisant. Bon, pas de se le prendre dans le cul, mais de se faire tripoter, pourquoi pas. Ouais, mais ouais, non, mais voilà, mais c'est juste qu'il faut la préparation quand même, faut prévenir, oui. T'arrives pas comme un boucher quand même. Tu veux savoir c'est quoi la préparation? Bah vas-y, c'est quoi? Ah, il finit l'herbe. C'est quand t'es bien fait que tu bandes bien. Ouais, mais enfin, il faut quand même que, il faut un peu lubrifier quand même. Ouais. Lubrifier. Bah oui, pas, ça rentre, c'est pas fait pour à la base, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est ça, c'est pas le chemin naturel, quoi. Toff qui s'est déjà fait boiter le cul. Oui, non, c'est vrai que c'est pas... De quoi? Toff qui s'est déjà fait apparemment... Boiter le cul, il peut témoigner, Toff. Ouais. L'important, c'est juste, voilà, tu faut effectivement que tu sois bien excité, et puis il faut qu'elle y aille par étapes, quoi. C'est-à-dire qu'elle peut pas te mettre tout le doigt d'entrée, quoi. Non, ça fait mal. Non, bon, au départ, je te dis la vérité, dans ma tête, c'était, bon, bah, c'est les homos qui font ça, ce genre de choses. Et après, bon, j'ai dit, vas-y, tant qu'à faire, faut tout tester dans la vie. Bon, je me prendrai jamais une queue, parce que c'est pas du tout mon truc, mais... Non, et puis c'est un peu plus volumineux, quoi. Oui, c'est déjà, ça n'est pas le même niveau, c'est pas le même volume. Voilà. Et puis rien que d'avoir un mec à côté de moi, ça me... Voilà, je suis pas du tout attiré par les mecs. Mais non, mais voilà, c'est pas déplaisant. D'accord. Mais bon, après ta meuf, elle peut mettre un goût de ceinture. Oh, génial. Tu l'as déjà fait. t'as pas essayé, toi? Non, j'ai pas essayé. J'y ai pensé pendant un moment et puis, ça m'est passé. Il l'a fait. Il l'a fait. Mais non, c'est sûr qu'il l'a fait. Il s'est mangé un god dans le cul. Non, s'il l'avait fait, je te le dirais, j'aurais rien à foutre. Ouais, regarde-moi. Ouais. Sale con. Mais par contre, si tu veux, on peut essayer à deux. Non. Et tu l'as fait. Non, j'ai pas fait. Oh, d'accord. Le god je te crois. Le god ceinture, non. Un god, oui, mais le god ceinture, non. Oh. Tu vois, t'as de l'imagination ce soir. Mais quelle horreur, Bon, ben Jordan, mais merci en tout cas d'être passé. Tu vas retourner chez Sandro, on va prendre les numéros que t'as à nous donner pour qu'on les appelle. Ah, avec plaisir. Bah, c'est gentil, merci beaucoup, Jordan. Ce soir ? Bah, peut-être qu'on les appellera ce soir, et sinon, on les appellera demain, t'inquiète pas, on va les appeler. De toute façon, je suis branché à 24 sur Fun. Bah, c'est parfait. Alors, si c'est pas ce soir, c'est demain, Jordan, parce qu'on a du monde, on a déjà quelques numéros là. Merci, Jordan. À bientôt. Salut, ciao à toi. Bye. Et avant de prendre Adrien, là, il y a le prince avec Ilié Mamadou, il a disparu du standard. Mais non, il est là, Mamadou. T'es là, Mamadou ? Oh, je suis là, ouais, je suis là. Ah, bon, on va te prendre maintenant, Mamadou de Montreuil, là. À quatre pattes ? Ouais, non, non. Bon, alors, puisqu'on était dans le sujet, continuons, hein, puisque toi, tu nous avais appelé, Mamadou, parce que tu voulais pratiquer le sexe anal, mais ta copine voulait pas. Non, je le pratique avec elle, mais ça lui fait mal. Bah oui, mais t'y vas comme un bourrin ou t'as un engin surdimensionné ? Ah, je pense que c'est l'engin qui est surdimensionné. Ouais, il fallait qu'il se la ramène. Bon, combien de centimètres ? Un peu plus de 20. Ouais, Ah oui, quand même. Ouais, mais c'est surtout le diamètre qui. Ouais, pour la sodomie, c'est ça qui est important. Parce que après, la longueur, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, même si t'as une petite bite, tu vas buter au fond. Donc. Bon, merci pour ce détail très intéressant. Non, mais c'est vrai, c'est pas comme un vagin, il n'y a pas autant de place. Ouais, bah oui. Oui, c'est petit. Ah, bah, il y en a encore plus. Non. Mais non, parce que le vagin est fait pour. Tu peux y aller, mais le trou du cul, en fait, il est pas fait pour. Ouais. Il est pas prévu pour ça, ouais. Mais quoi, elle a mal, mais tu fais la préparation, comme on le dit depuis le début ? Ouais, bien sûr, dès le début, je commence avec un doigt, puis deux, et ensuite. Ouais, voilà, mais est-ce que tu mets un peu de lubrifiant et du tout beurre. Ça ? Mais pas du beurre. Ouais, mais lui, ouais, il va être plus genre. Bah ouais, mais bon, voilà, après, s'il apprécie pas, faut respecter ça, hein, Mamadou, hein. Ouais, mais c'est compliqué, moi, c'est comme ça que je prends mon plaisir. Bah ouais, mais c'est que t'es pas fait pour. C'est que vous êtes pas fait pour être ensemble, alors si elle aime pas, faut faire. Elle peut l'accepter de le faire une fois pour essayer, pour te faire plaisir, pour voir, mais si elle aime pas, elle aime pas. C'est comme si elle kiffait par exemple. Imagine Mamadou, elle, son kiff, c'est les go de ceinture et elle a aussi envie de te sodomiser, tu vas dire oui ? Bah non, ça c'est pour les homos, ça. Bah non, mec, c'est pareil. Oh là là, non, Mamadou, mais... quoi. Sinon, Mamadou, si je peux te donner un conseil, un truc, je te jure, ça marche super bien, c'est tu rentres tout doucement, et une fois que t'es dedans, paf, tu tapes dedans. Mais non. Non, une fois que t'es bien dedans, surprise, que tu sens que t'es à peu près au fond, t'attends un peu. C'est-à-dire que tu bouges pas, tu laisses juste en fait le cul se faire autour de ta bite. Et une fois que... Qu'est-ce que c'est classe, putain, mais sans déconner, quoi. Tu laisseras le cul se faire autour de la vie. Non, mais c'est vraiment dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. Ah, si. C'est pas dégueulasse, c'est juste pour lui expliquer comment la meuf, elle va kiffer. Et une fois que t'as fait ça, t'attends un peu, et après, tu vas voir, la meuf, elle va avoir beaucoup moins mal, et tu vas pouvoir y aller. Oui, si vous avez des conseils à demander, il y a Gros Pervers qui est avec nous tous les soirs. C'est pas de la perversité, c'est... Ah bah non, bah non, bah non. C'est de l'attention. Oui, mais oui, de l'attention, ouais. Bon, et la vinaigrette, Mamadou, t'as essayé ou pas ? Ce que je voulais... mais dans mes précédentes relations, je pratiquais le sexe anal. Ça s'est toujours bien passé, mais là, je sais pas. Oui, mais il y a des filles qui n'aiment pas, Mamadou. Il y a des filles qui n'aiment pas ou qui ont mal ou qui ont peur et qui veulent pas. Ils ne sont pas bien préparés. Aussi, mais ça, voilà. Mais dites-nous les filles, tiens, venez nous en parler. Alors, si vous voulez, comme c'est un sujet un peu particulier, mais attends, Mamadou, comme c'est un sujet un peu particulier, si vous voulez, on peut changer votre prénom, votre ville. Il y a pas de problème. Si vous voulez pas qu'on vous reconnaisse, je peux comprendre. Il y a pas de problème. Donc appelez-nous. Vous appelez Sandro au standard 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Trop bien ton émission, tu gères grave. Mais merci beaucoup pour le message. Il y a Miss Mello qui dit s'il y avec une telle délicatesse, c'est hilarant. Trop bien l'émission, c'est Steve. Tony aussi qui dit il y a moyen que ma meuf mette un doigt dans le cul. Bah tant mieux, Tony. Hein. Fabienne qui dit y a quand le single, bah, il va venir, hein, t'inquiète. Et il y a José ou Français, je sais pas comment on dit. Le mieux, c'est baiser ta copine avec tous ses potes qui dorment à côté. Un pote à elle se réveille, crie Marilyn, elle est vivante. Et se rendort, on n'a jamais compris, mais c'était tellement bon. Ah ouais, c'est Camille, elle se reconnaîtra. Bah oui, là, je pense qu'effectivement, elle s'est reconnue là. Hein, c'est clair. Et Émilie qui dit l'autre il prend du plaisir qu'avec la sodomie ? Bah visiblement. Et Johan qui dit salut l'équipe, je vous écoute depuis peu, vous me faites rire et j'aimerais un message de bienvenue s'il vous plaît. Bien sûr, avec grand plaisir, Johan, un petit message de bienvenue. En plus on est dans le débat là. Espèce d'enculé, va. Voilà. Bon, on va s'écouter le son de Avicii avec Hey Brother et on parlera de quoi avec toi dans quelques minutes, Adrien. Je suis agent de sécurité, j'ai cramé un couple sur le parking en train de. Cool. Bon, on en parle dans quelques minutes, Adrien. Ouais, il n'y a pas de souci. Très bien, on aura le gagnant aussi de la colle. On n'est pas en avance, mais c'est pas grave. Le gagnant de la colle et la colle qui était la suivante. Donc, qu'est-ce qui a des boules et qui excite les vieilles? Si vous avez la réponse, vous envoyez Mickaël, espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Évidemment, n'hésitez pas, vous pouvez aussi répondre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Bienvenue tout le monde, minuit 44, on fait quelques appels encore avec Tof d'ici quelques minutes. Et puis bah vous en direct, hein, vous venez parler avec nous, n'hésitez pas, il y a Figuerdo aussi qui dit tu peux me mettre un message de bienvenue. Allez vas-y, je te le mets, hop là. Rien à faire, c'est un connard. Eh ben voilà, et puis je vous mets aussi dans quelques minutes la photo de Eva, qu'on a eu à l'instant là, Eva qui porte bien, qui porte bien les chiffres et lettres qu'on lui a fait. Hein. On met ça dans quelques minutes, facebook.com/Mickaël officiel les pervers pour aller voir. Et on écoute le son d'Avicii maintenant, c'est Hey Bro sur Fun Radio. Hey Brother, bonne soirée avec Fun Radio. Hey Brother. Avicii, le DJ Fun Radio avec Hey Brother à l'instant. Il y a Elliot sur le Twitter qui dit ah oui Hey Brothers, j'adore, c'est mon son préféré de l'album d'Avicii, merci, avec plaisir. Nalo qui dit Tof, Mickaël, Lilou, Polo, Sandro, que du lourd. Lilou elle est pas avec nous, elle vient juste pour le générique à la fin. Ouais. Il y a Jean-François qui dit un coup de pelle pour les gens du Québec qui vous écoutent, avec plaisir. Allez hop là, ça y est, voilà le coup de pelle. Émilie qui dit la vinaigrette mort de rire. Oui, ça c'est Polo, ça avec son conseil à la con. Stéphanini qui dit tu laisses le cul se faire autour de ta bite mort de rire. Tof me surprendra toujours. Avec plaisir. Il y a aussi sur l'autoroute, il conduisait, j'ai sucé mon gars. Le top, c'est qu'on était dans les bouchons à cause d'un accident. Je l'ai sucé et il me doitait. Grande classe. Oriane qui dit merci, elle déchire l'émission. Thomas qui dit j'aimerais essayer le doigt dans le cul, mais ma copine ne veut pas. Bah ça se respecte aussi, faut peut-être essayer de la convaincre, de lui en parler, etc. Pascal qui dit le mec pour la fouille anale, c'est un peu gros, j'étais gendarme adjoint et on nous apprend des techniques qui vous permettent de ne pas mettre les mains à cet endroit. Ah bah c'était un mytho, hein, ça c'est possible. Et Let's Be Freaks, il dit je pense que beaucoup ne savent pas qu'un appel masqué peut être démasqué. C'est vrai, c'est vrai. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Voilà, et obligé d'aller dans ma voiture pour écouter Fun Radio, c'est Jix qui avait envoyé le message. Et enfin Justin aussi, putain la meuf qui allume une clope, laisse tomber. Ah oui, ça c'était tout à l'heure. La meuf qui avait réagi en disant bah ouais moi un jour mon mec il me faisait un cunier, moi je me suis allumé une clope. Normal. Puisque le débat c'était est-ce que vous mangez en faisant l'amour, puisqu'une américaine à Las Vegas, elle visiblement le fait. Bon, on fait encore un petit appel du coup. Allons-y, allons-y. Hein, puisqu'on a un peu de temps là. Allez, c'est parti, on rappelle pour voir ce que les gens font pendant qu'ils font l'amour, qu'est-ce qu'ils mangent. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Et vous aussi hein, d'ailleurs, dites-nous les filles, appelez-nous, on vous attend 01 42 48. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà fait l'amour en mangeant ou manger en faisant l'amour. Bah écoute, moi je mange ta mère et puis je fais l'amour avec ta mère et toi aussi. Ça marche? Pas vraiment monsieur, mais... Donc je disais les filles, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique. On rappelle? Bah allons-y, il a l'air tellement sympa. Il était tellement gentil là. C'est reparti. Ah, il était chaud lui Adrien. Hein. Du lourd à mon avis. Lui. Ah ouais ouais. Allô. Oui, excusez-moi monsieur, mais pourquoi tant de violence? Bah t'es qui toi? T'es con quoi? Bah moi je suis Tof, mais je vous appelais juste pour savoir si vous êtes... Tof, tu sais quoi? Je t'emmerde, je t'encule, et puis je te prends quand tu veux, d'accord? Tof. Bah je comprends pas, c'est pas tout à fait ma question en fait monsieur. Moi je veux juste savoir si vous avez déjà mangé en faisant l'amour. Bah tu sais quoi, j'arrête pas de manger en faisant l'amour. Ah très bien, vous mangez quoi alors en faisant l'amour? Bah toi, toi et ta mère, d'accord? Bonne soirée Tof. Oh la grande classe. Ah il était classe. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Il était juste classe. Voilà. C'est énorme. Voilà. Bon Adrien, avant de parler avec toi, on va prendre Florian là aussi pour donner la réponse à la colle. Flo, t'es là? Ouais ouais, je suis là. Parfait, on appelle maintenant le gagnant ou la gagnante de la colle. Peut-être l'éventuel gagnant ou gagnante, puisque Florian a posé une colle tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a des boules qui excitent les vieilles? Si vous aviez la réponse, il fallait vous inscrire par SMS ou sur le Facebook. Et puis on va appeler maintenant un gagnant ou une gagnante qui a donné la bonne réponse. A priori, si il ou elle décroche, c'est gagné si elle donne la bonne réponse. Sinon, c'est toi qui gagne, Florian, d'accord? D'accord. C'est parti, on y va, on l'appelle. Allez. Puis on écoutera aussi Katy Perry dans quelques minutes avec Walking on Air. Et il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le nouveau Jason. Jason Derulo, bonsoir. Qui est au téléphone? Mylène. Mylène, c'est ça? Oui. Très bien, Mylène, c'est Mickaël, tu es en direct sur Fun Radio. Tu es dans quelle ville, t'as quel âge? Marseille, 30 ans. Marseille, 30 ans. Oh putain, Tof, c'est pas le débat là. Si, si. Mais non, merde, pardon, je me suis gouré. C'est pas le débat, quoi. Oui, effectivement. Oui, alors le dernier livre que tu as acheté. Alors, combien mesures-tu, Mylène? 1m70. Combien pèses-tu? Quel est ton poids? 61. Quel est ton tour de poitrine? 90B. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Ah oui. Effectivement, je peux confirmer. Bon, revenons à nos moutons. Ouais. Du coup, t'as donné tes mensurations, j'ai oublié ton prénom. Mylène, voilà, c'est ça, ouais. Je ne ferai pas attention aux moutons, bien sûr. Bon, Mylène, il y a Florian, pardon, qui a une colle à te poser. Si tu as la bonne réponse, tu gagnes. Vas-y, Adrien. Vas-y, Florian, je vais y arriver, moi. Alors, qu'est-ce qui a des boules et qui excite les vieilles? Le bingo. Ouais. Ah, bingo, mais... Bravo Mylène! Eh ben voilà, youhou Mylène! Eh ben c'est gagné, tu repars avec le PC portable, tu viens de le niquer Florian là, ouais. Sur la dernière dernière minute là. Putain, pour Florian, il a passé tout le temps dans le standard avec nous là. Bon, t'étais bien installé quand même dans le standard. Ouais, nickel. Bon ben ça va alors, c'est le principal. On va quand même te filer un pack fun, Flo. Ok, merci. Bah, avec plaisir. Tu peux passer une dédie? Allez, vas-y, toi tu peux la faire. J'ai fait une dédie à tous mes potes qui m'écoutent, qui me suivent sur Sky, sur Facebook et sur YouTube. Très bien, et ben message passé, pas de problème Flo. Salut à toi, à bientôt. Hein. Ouais, à plus. Salut Flo, et puis bah bravo Mylène, hein, le PC portable qui va partir chez toi à Marseille. Ah bah super. Avec plaisir. T'as pas une voix de 30 ans Mylène, hein. T'as une voix de jeune fille. Eh ouais, malheureusement, mais bon. Non mais c'est pas grave. Eh hey, mais on a loupé un truc, Mylène, c'est bien avec le mouton, la laine. Ah oui, c'est drôle ça, non, effectivement. Oui. Ouais, non. Là, c'est, non. Ouais, c'est super. Voilà. C'est pas grave, lui, on veut pas, je lui mets un coup de pelle dans ta gueule. Dans sa gueule, pardon. Bon, gros bisous, Mylène, je t'embrasse. Gros bisous. Ah, dis, hey, Mylène, t'as déjà testé éventuellement avec ton mec un petit doigt dans l'arrière-train? Ah non. Jamais? Et dans le tien? Non. Non, mais dans le sien, c'est pas le débat, Tof. Ah, pardon. Mais je croyais qu'on était avec Mamadou, moi. Mais alors, mais non, c'était pas le débat. Bon, d'accord. Et Mylène, quand tu fais l'amour, jamais tu manges des trucs ou tu fais un truc en particulier? Je fume pas de clope non plus. Non, d'accord, ok, mais c'était une question pour savoir. Bah, très bien, Mylène, je te fais des gros bisous. Gros bisous. Salut Mylène, à bientôt. Salut. Oui, ciao. S'il y a une fille qui se fait les ongles pendant que le mec est en train de l'allumer, ça serait drôle. Ah, mais c'est comme j'avais dit tout à l'heure, le mec qui se fait chier, il se coupe les ongles. T'imagines, c'est pareil. Il se coupe les ongles. Clic, clic, clic. Et tu sentais cette odeur horrible. L'odeur du vernis, ouais. Ah, et l'angoisse. Bon, Adrien, alors toi, tu nous avais appelé donc de Bordeaux parce que t'es agent de sécu et t'as déjà grillé des gens en train de forniquer. Voilà, ça y est. C'est dégueulasse. Bon, c'est pas ça date de la semaine dernière en pleine journée. Mais c'est tout frais. Pleine journée. On voit au début la gonzesse en train de le sucer, et là le mec qui commence à se retourner, commence à la prendre par derrière et tout. Oh, c'est dans bon un 4x4 ça. Et tout. Oh, c'est bon. Et c'est pas la première fois. Hein. Ah bon? Je me souviens d'une vidéo en 2007 aussi, on voyait tout. Toi tu prends un petit cahier quoi? Non, c'est les collègues qui me mettent de côté, on se les mate et tout. Mais ça les enculés. Ça, moi j'avais déjà vu dans le parking ici, le tête à le parking Vinci à côté de la radio. Ouais. Et genre, t'as en fait, après, je sais pas si c'est un endroit où les gens y vont exprès, mais genre, si tu vas au tout dernier, tout sous-sol, au fond, tout en bas, tout, profondément. Voilà, bien profondément. Hein, tout au fond du parking. Voilà, où en fait, il y a normalement pas trop de monde qui doit circuler, puisque il n'y a pas de sortie par là. Et en fait, t'as les gens qui se cachent derrière l'espèce d'avancée où il y a la porte. Et derrière, là, ils niquent. Ils garent leur bagnole et puis ils niquent là, quoi. Oh, c'est sympa. Et deux, trois fois où je m'étais garé, genre, tu vois, tôt dans la journée et j'avais laissé ma bagnole toute la nuit là, bah, j'ai recroisé des gens. Ah ouais, bah écoute, il y a que Tof, ça arrive, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a qu'à lui que ça arrive. En tout cas, ça m'a jamais frappé, à part le mec qui se faisait pomper là dans sa boutique. C'est le seul truc, hein, ce que j'ai raconté tout à l'heure. Bah merci Adrien en tout cas. C'est possible d'avoir un pack fun? Oui, bien sûr, tu repasses chez Sandro au standard. Ouais, merci. Salut Adrien, à bientôt. Ouais, bisous à toute l'équipe, à plus tard. Et bah merci beaucoup d'être à l'écoute de Fun en tout cas. Bon, on a toujours Mamadou et Faouzi là. Mamadou, Faouzi, vous êtes là tous les deux? Ouais, on est là. Bon, bah Madou qui nous avait appelé parce que bah il pratique le sexe anal mais sa copine veut pas trop, enfin en tout cas elle aime pas beaucoup, ça lui fait mal. Et bah moi je lui avais dit qu'il y a un moment bah c'est qu'elle aimait peut-être pas et qu'il fallait l'accepter tout simplement. Elle a et peut-être donc, le cul trop petit hein. Non mais voilà, mais peut-être qu'elle a pas envie, elle a peut-être qu'elle l'aime pas tout simplement. Faouzi qui est avec nous là des Mureaux 36 ans. Salut Faouzi. Bonsoir tout le monde. Ça va? Ouais. Ça va très bien. Bon bah bienvenue à toi Faouzi, t'avais conseillé à donner à Mamadou. J'ai demandé l'avis voilà, des filles aussi, mesdemoiselles, je vous attends là, 01 42 48 5000. Tellement arrêtez, on reste top pour vous, hein, pour donner le conseil à Mamadou. Ah bah très bien Faouzi, ça fait plaisir, merci à toi. Bon ouais. Faouzi, on t'écoute. Bah, en fin de compte, c'est surtout qu'il la mette en confiance, puisqu'il a déjà essayé. Mamadou, il a déjà essayé avec ouais. elle, mais bon, apparemment elle n'aime ouais. pas. Moi j'ai déjà rencontré des filles qui ont déjà essayé auparavant. Mais ça leur a pas plu non plus et avec moi ça passait très bien. Donc c'est surtout qu'ils la mettent en confiance, qu'ils travaillent bien, qu'ils lubrifient bien et oui, je vais te sodomiser, n'aie pas peur. Ouais, c'est ça. C'est genre ouais, en médecin pervers quoi. Mais oui, mais laisse-moi film, ouais. t'inquiète pas. Je ouais, m'occupe de tout, fais. Trust me, pervers, trust me. Quoi, de quoi Mickaël. Et avec ouais. une bonne équitation, je pense que ça passerait bien. Oui, oui, peut-être. Ah, ouais, Alors, regarde, même le diamètre, ouais, c'est, après, c'est même plus important. Hein. Non, mais faut voir, ouais, Mamadou, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça se trouve que, parce que Fawzi, il disait que avec d'autres, ça passait pas, mais qu'avec lui, ça s'est toujours passé. C'est ouais. une petite. Bah, ah, c'est possible, oui. Comment? Il se demandait si ce n'est pas une petite, vu qu'avec toi c'est toujours passé, comme tu dis. Elle est bien imposante, hein. Allez, oui. La dernière fois, il l'a mis sur la table elle s'est pliée. Mais oui, mais c'est ouais, ça. Limite, elle s'est cassée même. Bon, bah écoute, voilà Mamadou, écoute, essaye de discuter avec elle, mais il y a un moment, il faut accepter si elle a pas envie, hein. Non, mais bon, ouais, mais... c'est surtout ouais, la mettre bon. En confiance. C'est peut-être que, voilà, les premières fois, ils ont foiré, puis ils peuvent recommencer, puis réessayer. Mais c'est surtout qu'elle soit confiante, pas crispée. Faut... Ouais. Il y a des crispées, ça passera pas de toute façon. Essaye l'hypnose, Mamadou. Ah oui, super. Ah bah, j'en donne pas pour ça. C'est une idée, l'hypnose, hein, va savoir. Hein. C'est pas mal. Hein. Ouais, mais tu me conseilles quoi alors? Bah, l'hypnose. On prend une autre. Non, écoute. Si elle ne veut pas et que toi tu dis que c'est impératif pour toi de le faire, bah oui, prends une autre. Mais sinon. Ouais. Ouais, il faut pas la forcer quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Ouais. Non, bah non, je la force pas, mais bon, elle veut, mais après à la fin, voilà, elle a toujours mal et... Bah oui, mais il faut y aller doucement, faut la préparer, Mamadou, voilà. C'est juste ça, hein, ouais, au final. Avec les autres, c'est toujours bien, ça c'est toujours bien. Mais oui, mais une fille n'est pas une autre, Mamadou. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Bah oui, bah l'empreinte oui, bah oui. du cul n'est pas pareil partout. Merci, Polo. Bon, bah Mamadou, tiens-nous au courant et vas-y à la cool. Ouais, voilà, qu'il y aille cool et qu'il y... Je peux passer une dédicace. Allez, vas-y Mamadou, à une personne, vas-y. À une personne. Ouais. Bon, je passe une dédicace à Sofiane Torres, mon ami sur Facebook, ajoutez-le tous. Très tous, bien. C'est un beau gosse. Ah oui, c'est un beau gosse, très bien, mais comme toi Mamadou. Moi les chiens de chatte aussi. Bah... c'est une bonne pub, ça va les motiver, tiens. Bon, ça roule. Ouais. Salut Mamadou, je renvoie chez son standard. Salut Mamadou, ciao et merci Faouzi hein, d'être passé. Je voudrais dire une dernière chose. Pour dis-moi. Ceux qui mangent, pour moi qui font l'amour et tout. Hein. Ouais. Moi je mange pas, hein, mais c'est un gros kiff. Moi il me faut mon verre de Jack Daniel's, une petite clope et je me fais sucer, voilà. Voilà, ça c'est le kiff. D'accord. Bon, il y en a certaines, elles vont me reconnaître là. Hein. Ah oui, bah forcément, ouais, forcément. Bon, bah salut Faouzi, merci de passer. Merci à vous. Et bonne pipe bientôt. Ouais, bonne pipe aussi. Ouais. Bon, on fait encore d'autres appels avec Tof dans quelques minutes. Il y a aussi le chéri, je peux te faire cocu qu'on va vous mettre tout à l'heure avant 2h du mat. Donc restez bien à l'écoute de Fun. Et puis tous vos messages, on va faire un point sur le top tweetos dans une seconde. Là, il y a Megumi qui dit il y en a qui sont experts en empreintes digitales. Polo lui, c'est en empreinte de cul. Il y a Cédric qui dit à cause de vous, on peut pas se coucher avant 2h. Merci quand même, c'est que du bonheur. Merci Cédric d'être là surtout. Nanou qui dit Mamadou, elle n'aime pas lâche l'affaire tout simplement. Léa qui dit normal de se faire les ongles pendant l'action, mort de rire. Et Rob qui dit vous avez pas une petite musique d'anniversaire. Là, je fête mes 17 ans. Mais évidemment qu'on a une musique d'anniversaire là pour toi. Et hop, mec, tu vas voir. Hop. Musique d'anniversaire, c'est parti. Voilà, et bon anniversaire pour les 17 balais. Et je rappelle qu'il y a sur la photo d'Eva, hein, qu'on a eu tout à l'heure, là, 95D, etc., etc., qui est sur le Facebook. Allez voir, facebook.com/michaelofficiel. Et bon anniversaire encore. Et puis là, il y a plein qui disaient ouais, 85D, mon cul. Et il faut savoir que quand on met un soutif et que pour peu que ça serre un petit peu et qu'on met des vêtements par-dessus, c'est pas flagrant toujours, hein, c'est pas automatique. Donc calmez-vous, voilà, calmez-vous. Oui. Voilà, calmez-vous. Voilà, facebook.com/michaelofficiel. Il y a Steven qui dit trop. La frappe, votre émission du gros délire de la part d'équipe. Là, c'est Schneider de Saint-Goire. Et puis Ryan qui dit message de bienvenue, s'il vous plaît. Bien sûr, Ryan, vite fait avant de se mettre un petit peu de son là. Allez hop. Je vais te mettre quelque chose dans le cul, tu vas voir, salope. Ah bah, justement, c'était On en parlait. Eh ben, on en parlait, justement, tiens. Bon, allez, venez, les filles, là. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de... Bah, ah oui, c'est vrai. J'ai besoin de vous parce que je voudrais quand même à un moment ou à un autre savoir ce qui se passe dans vos têtes. J'aimerais que vous m'appeliez maintenant, mesdemoiselles, parce que j'ai des questions à vous poser. Alors, il y a des trucs, parfois, je comprends pas. Non, par exemple... C'est-à-dire ? Non, mais par exemple, pourquoi vous portez des chaussures à talons de 10 cm si c'est pour vous plaindre toute la soirée que ça fait mal aux pieds ? Non, mais c'est vrai quand même. Mais c'est un vrai truc de meuf, ça, hein. Ah ben oui, et j'en ai d'autres des exemples, hein. Je tombais sur un article là-dessus, je me suis dit mais évidemment quoi. Ou comment vous pouvez dire que vous n'avez rien à vous mettre alors que l'armoire elle est blindée, hein. C'est genre le dressing, on n'arrive même plus à fermer la porte tellement il y a des fringues. Donc appelez-nous les filles là qu'on en parle justement, j'ai d'autres questions à vous poser. Et puis les mecs, hein, si vous avez déjà des exemples où votre copine vous a pris la tête, bah venez aussi nous en parler. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 mesdemoiselles. Par exemple, pourquoi vous demandez notre avis, hein. Pourquoi vous demandez à votre mec, bah, c'est comment elle est ma robe? Puisque de toute façon, la réponse qu'on va vous donner va pas être bonne. Soit on va dire, oh non, elle est pas terrible. Ouais, bah, merci, hein. Soit on va dire, oh, elle est bien. Ouais, c'est ça, foutez de ma gueule alors que je suis en train de déborder de partout. Donc, ouais, vous voyez, c'est un exemple. Ça pour me faire plaisir. Voilà. Ou alors, pourquoi refuser un dessert si c'est quand même pour venir piquer la moitié d'une autre? Tu vois? Ah, non, tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Voilà, c'est-à-dire que Sandro, là, elle s'est bien recollée dedans, quoi. Non, je prends pas de dessert, je suis au régime. Bon, ouais, écoute, moi, je vais prendre une glace au chocolat. Bon, mais d'accord, ok. Je me reconnais dans tout ce que t'as dit. Sans déconner. Attends, je suis sûr, c'est bien fait, ce truc. Non, mais j'ai d'autres exemples, hein. Pour nous laisser choisir, par exemple, c'est pourquoi nous laisser choisir un truc si de toute façon c'est pour vous plaindre après? On va au resto ou on mange à la maison? Oh, bah, j'irai bien au resto. Ouais, parce que dis tout de suite que je cuisine comme une merde. Hein, tu veux pas qu'on mange à la maison, c'est ça, hein. C'est pas ça, mais... Ou alors... Ah, mais ça, c'est quand on a envie de s'embrouiller, hein. Ouais, ou alors... On est une mauvaise poêle, hein. Non, mais on va manger à la maison, hein. D'accord, ok, tu me sors pas au resto, espèce de radin, t'as honte de moi, c'est ça? Non, et voilà, pas et ça. C'est parti, un florilège. Donc dites-nous les filles, j'ai besoin de vos avis, les mecs aussi. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. Et le son de Katy Perry qu'on écoute maintenant, c'est Walking on Air. Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Exactement, bienvenue sur Fun Radio. Et restez bien là puisque je vous cale aussi le nouveau Jason Derulo. La musique on va être bien là. On va être bien là avec Dirty Talk. Hey, je suis ouais. Au bout des rouleaux. Hey, c'est drôle ça. Jason Derulo donc avec Dirty Talk, c'est ce qui va arriver sur Fun Radio dans quelques minutes. Et alors je vous ai demandé les filles, pourquoi nous demander notre avis si de toute façon c'est pour dire l'inverse ou pour mal le prendre. Il y a plein de messages sont réveillés. Il y a Megumi qui dit j'ai un aveu à faire, Mickaël, on est chiante, faut juste vous y faire. Même si je dois dire, je travaille beaucoup sur moi. Bah c'est déjà ça de prix. Emily qui dit Katy Perry, je la kiffe car elle c'est une vraie bonasse. Attendez parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait de la merde sur le sur ma page. Plus rien. C'est une vraie bonasse et elle est belle également. Oui, c'est vrai. Bah, c'est une ex à moi en même temps, hein, donc forcément, je sais de quoi je parle. Cédric qui dit une femme est une contradiction de nature. Et Léa qui dit la phrase typique de la fille j'ai une tonne de vêtements, mais je sais pas quoi, je sais pas ce que je vais porter aujourd'hui. C'est pas faux. Et Mathieu qui dit je bosse tous les soirs dans les bois, dans ma machine, et grâce à vous, pas de baisse de morale. Merci, vous assurez la famille. Bah, merci d'écouter, Mathieu, surtout. C'est très gentil. Cédric qui dit une femme est une contradiction. Je l'avais déjà lu. Et Sarah qui dit moi, je mange une glace pendant que je fais l'amour tellement j'ai chaud. Oh. Au fait, je fais 1m70, 54 kg, 95 B, dernier pantalon, c'est 36. Oh. Ah oui, sympathique, effectivement. C'est Sarah, pas mal. Tu mérites la petite musique que je vais te mettre immédiatement, à défaut de t'avoir au téléphone. Voilà, tu l'as mérité largement. Bon, on va prendre Camille dans quelques minutes. Mamadou également, là. T'es là, Camille? Camille? Oui. Ah, elle est là, Camille, 18 ans de Paris. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah, ça va bien, Camille. T'es déjà passé à l'antenne? Non. Non, jamais. Bah, c'est alors, une première. Si tu très l'es bien. Jamais passé, bah, combien... bienvenue. Oh putain, attends. Combien mesures-tu? On allait faire le chéri, je peux te faire cocu, là? Bah, on a deux secondes. 1m64. Combien pèses-tu? 43. Il faut manger maintenant, Camille, un petit peu, hein. Oui, allez, viens, je t'emmène au quick. Alors, quel est ton tour de poitrine, Camille? Très petit, je peux même pas dire tellement que c'est petit. Vas-y, moi j'adore ça, les petits tétons. on dit 75 pas, non, pas ça. Ouais, non, mais non. 85, un truc comme ça. Ah bah c'est bien, mais en bonnet, le bonnet. Ah. Triple A? Triple A? Non, je sais pas.

Storm Dreamer. Storm Dreamer numéro 2. Nanu et number 1. Comme d'hab. Let's be freaks. Bon, il y a encore un peu de, chance quand même que Nanu par exemple passe devant Let's be freaks. Oui. Il y a encore un peu de chance. Si tout n'est pas perdu, ça va. Ça peut se jouer. Bon, hashtag Mickaël, vous mettez un maximum de messages sur le Twitter de l'émission. Rejoignez-nous d'ailleurs. Hein, je vous le rappelle que si vous me faites un petit follow sur Twitter, si vous m'ajoutez sur Twitter en mettant Mickaël, la petite barre en bas, underscore officiel. Donc n'écrivez pas underscore hein, parce qu'il y en a. Donc Mickaël, la petite barre en bas officiel. Vous m'ajoutez sur le Twitter de l'émission et puis bah je vous ajoute évidemment avec plaisir également. Je vous follow par derrière, comme on dit, surtout les filles. Bon, allez, on revient dans quelques minutes comme promis avec Camille qui voulait réagir à Mamadou qui lui aime bien le sexe anal, il veut pratiquer avec sa copine mais sa copine ne veut pas. Il y a Nicolas qui voulait également nous parler et puis j'attends vos avis, les filles, mesdemoiselles, venez nous dire pourquoi est-ce que vous, je vais pas dire chiante, hein, mais pourquoi est-ce que vous appelez pourquoi est-ce que vous demandez toujours l'avis de vos mecs alors que majoritairement vous êtes toujours contre nous. C'est-à-dire que si vous, j'avais pris des exemples tout à l'heure, hein, mais par exemple, vous avez une armoire remplie de fringues, ça déborde partout, pourtant vous allez arriverez quand même à dire « Ah bah ouais, bah, je vais mettre des chaussures à talons de 10 cm, mais je vais me plaindre toute la soirée parce que ça va me faire mal aux pieds, ou au dos par exemple, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple aussi là ? Pourquoi vous demandez notre avis sur une robe si de toute façon ça va vous énerver quand on dit si on l'aime ou si on l'aime pas, parce que bah soit on va dire on l'aime pas, bah c'est parce que je suis trop gros, c'est ça, etc. etc. » Bref, venez nous parler, venez nous dire les filles, si vous êtes vraiment comme ça dans la vraie vie, 01 42 48 5000 ou pour la Belgique, le 02 851 4x0. Je vous l'avais promis tout à l'heure, le son de Jason Derulo, c'est le nouveau maintenant qu'on écoute sur Fun Radio. Bienvenue en Turquie. C'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. Bienvenue, c'est Dirty Talk sur Fun Radio. Bonne soirée. I'm that flight that you get on. What? Et voilà le dernier son de Jason Derulo. What? C'était Dirty Talk sur Fun Radio. Mickaël No Limit, 23h, 2h sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment avec tous vos messages, avec également encore un ou deux appels là, qu'on va faire avec Toff ce soir là pour savoir comment cette américaine justement de Las Vegas kiffe manger pendant qu'elle fait l'amour. Quand même assez improbable. Et alors il y a un message de Kawet qui dit parce qu'on est un peu quiche sur les bords, peut-être Mickaël. Ah oui, par rapport à la question de savoir pourquoi demander l'avis des mecs quand vous vous habillez, quand vous voulez aller au resto, si de toute façon ce qu'on va vous dire n'est pas du tout ce que vous voulez. Nano qui dit on aime être complimenté. Il y a quoi aussi comme message? Parce qu'on a nouveau fait de la merde sur ma page avec tous mes messages, hein, je vois plus rien. Ah voilà, c'est ça. Émilie qui dit il pète même pas un câble contre elle, c'est ouf. Ah oui, c'était par rapport au chéri, je peux te faire cocu ça à l'instant. Ouais. Et alors encore Émilie qui dit le chéri, je peux te faire cocu, jamais je ferai ça à mon homme, il me tue. Mais c'est ça le concept, Émilie, justement. Vas-y, joue. Tu vas gagner des cadeaux, ça va être top, tu vas voir. Mais qui essaie de le convaincre. Et Romuald qui dit trop cool votre émission, deux mois que je vous écoute, je me fends la poire. Merci, non. Vous êtes top, continuez comme ça. Ne changez pas surtout. Bah écoute, on compte pas changer dans l'absolu tout de suite du moins. Bon, on va revenir avec Mamadou et Camille qui est de retour là. Camille, t'es là? Oui, je suis là. Bon, t'avais un conseil à filer à Mamadou, toi, Mamadou qui veut pratiquer la sodomie avec sa copine, mais elle a un peu mal, elle a pas trop envie a priori, sauf que d'après Mamadou, c'est le seul moyen pour qu'il prenne son pied. Ah, ouais. Oui, mais bon. Bon, est-ce que t'as déjà pratiqué, toi? J'imagine que oui, Camille. Moi? Oui. Non. Non, d'accord, ok. Bah, je pensais que t'allais dire oui, vu que tu voulais donner ton avis, mais alors dis-nous. Non, mais bon, je sais un peu, j'ai des amis qui l'ont fait, et je sais donc à peu près ce que ça leur a fait. Ah oui, bon. Des amis, clin d'œil. C'est bien compris. Des amis, oui. Oui, bah oui, des connaissances. Vas-y, on taquine. Vas-y, Camille, donc du coup. Ouais, faut pas la forcer déjà, parce que si elle aime pas... voilà, quoi. Ah, mais si, c'est clair. Si c'est pour la forcer, ça sert à rien, après elle voudra... Ça va la repousser, puis limite, ça va la dégoûter de tout ça, quoi. Donc, voilà. Ah, ça, je l'avais dit tout à l'heure, hein, mais c'est clair. Mais comment t'aimerais... Toi, Camille, t'as pas essayé parce que t'es pas tombé sur le mec qui voulait ou parce que t'as pas envie ou... Bah, vu tout ce que j'entends sur ça, ça me donne pas trop envie, non. Bah, écoute, il y en a qui aiment bien. Il y a des meufs, là aussi, les meufs, hein, appelez-nous, hein, les filles. Hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour voir un petit peu si vous aimez, si vous n'aimez pas, comment ça se passe, etc. Alors, il y a des filles pour qui ça ne fait rien, tu vois, elles s'en branlent. Elles font pour faire plaisir à leur mec. Il y en a qui kiffent et puis, effectivement, bah, il y en a qui détestent. Ouais, mais je sais pas. Attends, je vais quand même faire un truc parce que ça, c'est quand même le stagiaire s'en souviendra toute sa vie. C'est la première fois qu'il va parler à l'antenne. Stagiaire, est-ce que tu as déjà pratiqué la sodomie? Eh non, malheureusement. Ah ben voilà, très malheureusement. Bien, voilà, très malheureusement. Désolé. D'accord, c'est bien comme ça, on découpera ce moment-là, on le donnera, parce qu'il est dans une école de radio, le stagiaire, et donc comme ça, on le donnera à son directeur de radio pour montrer qu'il sait parler à la radio, et ça, c'est parfait. C'est découpé, on découpera. Merci le stagiaire pour son avis. Bon, et donc, Camille? Oui. Donc dites-nous les filles, effectivement, si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Mais encore une fois, ça dépend comment c'est préparé, ça dépend si t'as envie. Si dès le début tu te dis j'ai pas envie parce que ça va faire mal, bah forcément t'auras pas envie d'essayer, tu vois. Bah il y a plus de personnes qui ont mal que de personnes qui ont pas mal en fait. Non, après il y a plus de personnes qui sont mal préparées. Voilà, après ça dépend. Si le mec il arrive et qu'il se croit dans un film de cul et qu'il y arrive comme un gros bourrin. Non mais attends, mais ça c'est dramatique, il y en a plein des mecs comme ça, hein, qui se croient dans un film de cul et attends, je vais essayer de parler comme les ch'tis Hollywood, qui se croivent dans un film de cul et qui te font n'importe quoi et qu'ils y vont comme des bourrins quoi. Mais elles sont préparées pendant un moment, mais c'est dans vrai, les films, ouais. Oui oui, parce sauf que c'est coupé, ça tu le vois oui, pas. Oui, parce qu'il il met des doigts, il met des doigts, il y a du lubrifiant et puis des gold, voilà. des plugs, etc. C'est pendant longtemps. Ouais, c'est ça. En fait, la meuf, savoir que souvent la meuf, elle garde le plug jusqu'à ce qu'elle débute la scène, il l'enlève et comme ça, c'est pour ça que le mec rentre comme si c'était une motte de beurre. Voilà. Donc les mecs, préparez, soyez patients et préparez. On n'y va pas comme des bourrins. Mais pour reprendre ce que vient de dire Polo, une motte de beurre qui sort du frigo, tu rentres jamais dedans. Hein. Oui, merci. Tof. Bon, il y a Nicolas également, donc de l'Hérault là, qui est avec nous. Bonsoir, Nico. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Bon, toi aussi, tu voulais réagir à Mamadou? Ouais. En fait, c'est ce que je viens d'entendre. Faut pas faire comme dans les films porno, ça sert à rien. Il faut y aller progressivement. Faut pas trop la brusquer non plus. Faut pas qu'il les fasse à chaque fois qu'ils font l'amour. Ouais. Mais le truc que les hommes généralement oublient, c'est que pour bien faire cet acte-là, eh bien, il faut un minimum de préparation, alors que ce soit avec lubrifiant ou salive. Moi personnellement, c'est avec la salive. D'accord. Mais on regarde un film de cul en même temps, hein. Ouais. Mais il ne faut pas la prendre en levrette. Parce que ça leur fait mal. Et il n'y a pas la même préparation que pour un film porno. Ma femme, elle voulait pas. Et puis progressivement, ça fait 10 ans que je suis avec elle. Et progressivement. Mais il a mis 10 ans. Hein. Non, j'ai pas mis 10 ans. Mais de temps en temps, un petit coup de langue par-ci, par-là. Doucement rentrant juste le gland en essayant. Et puis c'est surtout sur l'eau, elle est allongée sur le côté et il ne faut pas oublier surtout de lui caresser le clitoris. Ah ouais, d'accord, ok. Non, ouais. Oui. C'est clair que prendre une sodomie en levrette, c'est vraiment quand la meuf elle a bien l'habitude quoi. Ah, il est voilà sérieux, là, pour les films X. Ah ouais, je savais pas, tu vois, comme ça je me coucherai moins con ce soir. Eh ouais. Grâce à toi Nico, t'as entendu Mamadou les bons conseils là d'un professionnel? Ouais, j'ai entendu ça. Bon ben reste plus qu'à appliquer Mamadou, hein. Ouais, reste plus qu'à ça. Il y a plus qu'à, hein, il y a plus qu'à. Bon ben très bien. C'est possible d'avoir un pack fun? Oui, bien sûr Nico, je te repasse le standard, on va te filer ça sans souci Nicolas. Merci. Gros bisous Nicolas, à bientôt. Merci, bisous. Salut à bientôt. À toi. Sinon, ciao. Mamadou, essaye le ketchup, ça glisse bien aussi. Ouais, super. C'est n'importe quoi, toi. Bon Camille, est-ce que t'as un mec là actuellement? Oui. Ah, dommage, j'allais te proposer un petit buzzy. Sodomie. Ah non, sodomite. Non, Mamadou. J'allais lui proposer. Un groupe sodomite. Sodomite. J'allais lui proposer buzzy, busy, kindy, busy, je sais pas comment on appelle ça. De God Tof. Ah, un Zippy Bunny, tu veux Zippy dire. Zippy Bunny, ouais, voilà, c'est ça. Putain, je voyais pas du tout de quoi tu parlais. Hein. T'es sérieux ou quoi? Il y a une meuf, je veux lui offrir un cadeau particulier, Zippy Bunny et l'autre. Non. Deux. C'est qui? C'est passage du désir.fr. Bien sûr. Bon, donc t'as pas envie Camille, pas la peine, hein, puisque t'as un mec. Bah oui, j'ai un mec. Bah oui, forcément, il va être jaloux après. Et moi, Mickaël, il y a quoi pour moi? Eh bah toi, il y a que dalle, Mamadou. Un gode ceinture. Un gode ceinture, tu vas essayer avec ta meuf, tu vas voir si ça fait plaisir de se faire enculer. Sur toi, enfoiré. Bon, Mamadou, on va te filer un pack fun. Ouais, merci. Je t'en prie. Salut Mamadou. Salut Camille. Merci à vous d'être passé. Salut Camille. Gros bisous à toi. À bientôt. Bisous. Allez, salut Camille. Et puis Anthony qu'on va prendre dans quelques minutes là. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va nickel. Bon, ben bienvenue à toi Anthony. Bon. Merci. Donc de quoi on va parler dans quelques minutes avec toi? En fait, je suis un peu dans, on va dire, la merde parce que j'ai grillé le père de ma copine en train de tromper sa mère. Oh, c'est bon ça. Eh ben écoute, on va en parler dans quelques minutes. Anthony, reste avec nous. Merci. Tiens Anthony, tu savais que... Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Ah non, je savais pas, moi. Eh bah tu vois, finalement, on t'en apprend. Hein. Bon, on va vite faire les appels aussi avec Toff avant qu'il soit trop tard. Bon, ah, il est 1h39, mais enfin bon, soit. On appelle puisqu'il y a une américaine à Las Vegas là qui apparemment aime bien faire l'amour en mangeant. Oui, bon voilà. Appétit. Et toi d'ailleurs, Anthony, t'as déjà essayé l'amour en mangeant? Pardon? Est-ce que tu as déjà essayé l'amour en mangeant? Ouais, c'est déjà une fois, mais bon, c'était des cerises. Et tu mangeais quoi? Du chorizo. Ah, du chorizo. Oh, c'est bon ça. Ah, des cerises. Des cerises. Ah, des cerises. Oh, bah pourquoi voilà. Pas. Après, mais... ça peut encore faire un jeu, quoi. C'est comme les fraises. J'ai pas tête. Ouais, du pied de porc. Voilà, sur tout le corps, c'était trop bon. Ah. Est-ce que tu les insérais avant ou pas? Dans son cul. Oh, la classe. Merci, Tony. C'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est pas moi qui vais dans le crado. Voilà. Bon, et bah du coup on va appeler des gens pour leur demander. Là c'est parti, des numéros que vous nous avez envoyés gentiment sur toph@funradio.fr. C'est parti. Toph. Bah oui, Toph. C'est parti. Bah, alors. Allô. Oui, bonsoir madame. Merci, bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà mangé en faisant l'amour. Vous êtes un peu... Dites-moi, cher monsieur. Oui. Vous êtes un petit con et bonsoir. Vous êtes un petit con et bonsoir. Bon, on va la rappeler. À demain. Bah oui. Attends, elle avait l'air charmante, on la rappelle, la petite dame. Allez. Bah alors elle décroche plus maintenant. Allez madame. Je suis traumatisé. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelais pour savoir si vous aviez déjà fait l'amour en mangeant. Bah tiens, enculé, connard. Ah bah ça faisait longtemps qu'on avait plus un petit va te faire enculer. Hein, est-ce qu'on en appelle un autre, Anthony là? Oui. Bon oui, allez, oui, allez, oui. On s'en fait un petit dernier de la soirée là. Allez, allez, allez. C'est parti, on y va. Régalez-moi. Ah bah j'espère, écoute, ça dépend pas de nous. Hello. Ah. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà mangé en faisant l'amour. Ou fait l'amour en mangeant. Fait l'amour en mangeant. Oui. Non, je mange en faisant l'amour. Ah, vous mangez en faisant l'amour. Moi, directement, ah. Je le mets au bon endroit, pourquoi? Ah non, comme ça, pour savoir monsieur, c'était pour connaître vos pratiques. D'accord, bah voilà, vous les connaissez maintenant. Eh bah c'est très gentil monsieur. Pourquoi vous voulez les essayer avec moi? Non, écoutez, non, je préfère les femmes. Ah bon? Oui. Oh, c'est pas grave, ça. Je suis en train de regarder M6 justement, il y a un beau mec avec des beaux cheveux bien longs. Oui. Pour une femme, je peux essayer si ça t'intéresse. C'est vrai? Et ça se passerait comment? Bon, bah écoute, t'habites où déjà? Moi je suis sur Paris. Ah bah c'est tombé, j'y vais dans pas longtemps. C'est vrai? Bon, on peut peut-être se retrouver alors. Ah bah avec plaisir. C'est vrai? C'est dans quel arrondissement? Bah écoute, moi je suis vers Belleville. D'accord. Ah, moi je connais pas bien trop Paris, mais bon je vais monter pour le premier week-end de novembre. C'est vrai? Ah bah ce serait top, on pourrait se retrouver, on se fait une petite nuit tranquille, champagne, pétage de rondelle. Ah bah avec plaisir. Ah bah, et deux minutes à cet endroit-là? Ah bah avec plaisir. Ah, comme ça alors. Tu me feras une bonne grosse rondelle pleine de Nutella. Ouais, avec plaisir. Moi, je suis déjà tout chaud. Bon, bah je te rappelle alors. Ça marche. Allez, je te kissouille la fesse. Eh dis donc Toff, tu t'es mis un rancard ou quoi là? Mais ouais grave. Non grave. Mais c'est un truc de ouf. Par contre je sais pas ce qu'il regarde sur M6, il doit avoir un autre M6 que nous parce que nous il y a Gad Elmaleh. Parce qu'un beau mec, bon certes pourquoi pas, avec les cheveux longs. Gad Elmaleh n'a pas les cheveux longs. Ouais cas, mais il est peut-être en replay. Ah il était sur le replay, je sais pas. Bon enfin en tout cas a priori c'est bizarre. Ou alors peut-être M6 musique ou un truc comme ça, je sais pas. Ou peut-être qu'il s'est foutu de la gueule de Toff. Ou peut-être qu'il s'est foutu de la gueule de Toff depuis je le début. Je pense et ça, que c'est la meilleure option qu'on ait trouvé. Que probable. Bon Anthony, bah reste avec nous. On va parler avec toi dans quelques minutes, le temps d'écouter le son. Alors tu préfères quoi, Crewella? Donc ça c'est Maniel, pardon. Voilà, hein, oh. Maniel avec Flor Faila. Ou alors. Ou alors le son de Crewella. La première. La première, donc Manian et Flor Fila avec Just Another Night. On fait c'est ça. Bon allez, bah c'est parfait. Parti. Allez hop, on se l'écoute tout de suite maintenant sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit au cœur de la nuit sans pub. Soyez bienvenus. On revient dans un instant juste après le son de Manian sur Fun Radio. Mickaël No Limit, 23h, 2h sur Fun Radio. C'est Fun Radio, et bienvenue si vous voulez débarquer. Hop là, à l'instant c'était le son de Manian avec Flor Fila, Just Another Night. Et puis plein de messages qui arrivent aussi. Un dissociable qui dit il bouffe des cerises, il lui a mis sa tige. Oui, grande classe. Mademoiselle H aussi qui dit Mickaël et ça repart, c'est ma phrase favorite quand je vais pas bien et c'est toi mon remède. Oh bah c'est gentil Mademoiselle H. Oh c'est mignon. Et Kawet qui dit je me demande si c'est vrai, si ça existe des gens qui demandent l'autorisation pour coucher avec quelqu'un d'autre. Écoute, si ça n'existait pas, je suis certain qu'avec le concept qu'on a lancé, je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà essayé. Bah, je forcément. Pense, hein, sincèrement je pense. Et Morgan88S qui dit perso j'achète des talons mais je les mets pas car je sais pas marcher avec. Oui c'est bien. Voilà. C'est aussi simple que ça, hein. Pas plus compliqué. Et puis Antilope qui dit aussi moi j'adore faire l'amour en écoutant Mickaël No Limit. Et bah tu fais bien Antilope là. Bah, n'hésite très, pas très à nous bien. Appeler, hein, comme ça sera plus simple. Totalement, totalement. Et Anthony qui est avec nous là du Havre de retour. Bon c'est Anthony ça. Nous sommes tout ouïes avec ton problème. On fera le top tweetos aussi hein, dans 10 minutes maximum. Bon, alors on t'écoute Anthony. Alors en fait j'étais en vacances dans le sud-ouest. Ouais. Et dans un camping. Jusque là c'est pas trop un problème hein. Non, pour l'instant c'est pas un problème. D'accord. Ensuite ma copine et sa mère sont partis faire les courses. Ouais. Moi je suis allé me diriger vers la piscine. D'accord. Et j'ai surpris son père entrer carrément dans un autre camping-car d'une femme en fait. Et en fait, il est ressorti 30 minutes après. Et 3 minutes entendu... Non, 30. Ah, parce que je me dis, putain, le mec, il est précoce. Hein. Non, 30 minutes après, mais sauf que j'ai entendu un peu crier. Ouais, donc, parce que t'as voulu aller le prévenir qu'il s'était trompé de camping-car. J'ai pas osé rentrer, hein. Mais j'ai eu un an. Mais franchement, après, j'ai vu ma copine, je savais pas si je devais lui dire ou pas, vu que je partais en vacances avec eux. Donc j'étais un peu dans une situation un peu embarrassante, on va dire. Ouais, et là, t'as été voir le père, tu lui as dit... C'est le pourri de bâtard. Tu l'as pas dit ça, non? Non, j'aurais pu. Ah ouais, franchement, ouais, t'aurais pu, hein. Petite saloperie, va. Eh oui, petite saloperie, va. Donc je sais pas s'il doit le dire à ma copine, aller voir son père, lui dire que je le sais. Donc je suis vraiment perdu, en fait. Ouais, bah écoute, bon, en même temps, c'est pas ton business. Mais oui, oui, après, tu peux le faire aussi. Hein. On peut même le faire en direct, hein, pour... Je sais pas ce qui s'est passé, ça se trouve. Ils étaient en train de réparer de un discuter, truc. Discuter, oui. De parler d'action. Mais oui, t'en sais rien, pas, en fait. Ils regardaient peut-être un film. Je pense pas une demi-heure voir un film. Bah oui. Non mais il dure une heure, série, une heure et demie. Il y a un regarder How I Met Your Mother, ça dure 26 minutes. Ouais. Hop, l'affaire est pliée. Bah, c'est vrai, mais non mais je pense que je sais pas. Non mais attends, mais il est rentré, mais t'as pas vu. T'as vu aucun détail, c'est-à-dire que t'as vu qu'il est rentré dans un camping-car et qu'il est sorti. En détail, j'ai entendu des bruits et des cris, c'est tout. Après, j'avais pas rentré dans le camping-car. Mais tout ça là, devant un tribunal, ça marche pas. Ah ouais, là ça tient pas. Moi je suis le juge. Moi je suis le juge, c'est pas possible. Je peux te dire directement que c'est impossible. Moi je prends mon marteau et. Et on arrête là quoi, tu vois ce que je veux dire? Moi je dis il faut des preuves matérielles quoi, bah faut, oui. Tu vois il faut une vieille capote usagée. Voilà, et t'as pas grassouillé. Mais oui, mais t'as pas été enquêté, t'es pas passé derrière là, style un enquêteur, la police criminelle. Parce que regarde. Non, j'ai juste entendu des un. C'est regarde tout. Clinton, ce qu'il a perdu, c'est la robe avec son sperme dessus. Hein. Ah oui, bah oui. Et puis un appel masqué, il peut toujours être démasqué. Exactement. Ça fait qu'un appel masqué peut être démasqué. Voilà, mais t'as qu'à te la jouer à la NCIS, je sais pas moi. En plus, j'aurais pu faire les experts parce que je suis un peu rouquin. Non. Donc, Horatio Kane. Horatio Kane, les experts. Kane. Ça c'est bon ça, merde j'ai pas la musique. Il faut la lumière violette là. Oui ouais, oui, c'est ça. Lumière violette, exactement. Bon j'ai que les experts Manhattan, hein. Je suis désolé. Hein. On fera... Ah mais non mais c'est ça en plus, Horatio Kane, je suis con en plus. Et bah, oui parfait. C'est Manhattan. Horatio Kane c'est le rouquin. Bah, ah oui, non c'est merde, Miami, c'est à Miami. Bah oui là j'ai Manhattan, bah, c'est tout ce que j'ai. Ouais. On fera avec. Désolé, hein, on fera avec. Vas-y, explique-nous là alors. Bon, et alors du coup, donc, t'en as pas parlé du tout à ta copine? Ni à personne d'ailleurs? Non, là c'est que pour moi. À ma mère. Ouais, mais... et qu'est-ce qu'elle dit ta mère? Elle me dit, c'est pas tes affaires, mais bon, c'est sûr que ce serait bien que ma copine le sache. Mais bon, voilà, après moi j'ose pas lui dire parce que c'est quand même assez chaud. Écoute, moi j'ai une idée. Je connais un mec, il a une solution pile poil pour ça. Alors? J'écoute. Eh ben, en fait, c'est un mec qui prend du plastique. Ouais. Et il va le buter, tu vois, le père. C'est-à-dire qu'il va l'attacher, en fait, il va le découper en morceaux, puis après, il va le foutre dans la baie de Miami. Ouais. Tu connais Dexter, alors? Bah, bien sûr, je connais Dexter, c'est un pote. Ah, putain. Mais il faut pas lui faire un coup, faut pas lui faire une enfume, hein. Tiens, non, ça, je m'amuserais pas. Bah ouais, c'est ça. Non, mais voilà, tu le découpes et voilà. Hein. Ouais, un truc simple, quoi. Ouais, un truc à la poule, quoi. Il y a plus ouais, simple. Facile à faire. Ouais. Tu gardes ça pour toi et puis basta, quoi. Ah oui, c'est une idée, ouais. Sinon, il y a encore une autre méthode, c'est tu vas le voir, tu lui dis, écoute, sortir ta fille, ça me coûte cher. Donc je propose que si tu veux que je dise rien à ta femme, tu finances les sorties de ta fille. Mais en plus, à chaque fois, elle se plaint avec ses talons, comme tu dis, là, ça me rend fou. Qui ça, ta copine? Ma copine, non, j'ai mal aux pieds avec des talons hauts. Bah oui, mais j'ai une meuf après, hein, voilà. C'est pas méchant, les filles, hein. Regardez, je vous ai demandé de venir vous défendre. Il y en a plein qui écrivent, mais personne n'ose passer à l'antenne, mesdemoiselles. Vous m'avez déçu. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Bon, écoute, ouais, dites-nous d'ailleurs si vous avez déjà grillé comme ça quelqu'un que vous connaissez, évidemment, avec quelqu'un d'autre, et donc du coup vous étiez dans la merde. Est-ce que vous devez balancer? Est-ce que vous devez garder ça pour vous? Mais pourquoi tu veux absolument balancer, toi? T'as qu'à oublier, t'en branles, au final. Non, parce que moi j'ai des liens, on va dire, pas proches, mais voilà, je m'entends très bien avec ses parents et ça me fait chier de... Je sais que lui, il la trompe et sa mère, je suis très proche d'elle et ça me fait chier en fait qu'il ait fait ça. Non, mais d'accord, mais ça je comprends. Il y a le prince là qui dit le mieux, c'est de rien dire. Il y a Emily qui dit d'exter mort de rire. Bah oui, au final, c'est vrai. En plus, sa mère, ça se trouve, elle est au courant et tu sais pas ce qui se passe dans leur couple, ça se trouve, ils sont échangistes. Ah, et va savoir, ça se trouve, c'est un deal, hein. Ah, peut-être. Non, je pense pas que c'est des libertins non plus. Hein. Je te trompe, tu me trompes. Ça te regarde pas, les bétons. Non, mais tu sais pas. Ça se trouve, effectivement, ils sont libertins, tu peux pas savoir. là, ça deviendrait chaud quand même. Bah, dans cas de famille. Bah, je sais pas. Quand il a été dans la caravane, il y avait la mère, elle était là, sur le camping? Non, elle est partie faire les courses. Oh, c'est chaud quand même. Non, c'est normal, il fallait qu'il s'occupe. Attendez, parce que il a peut-être été, c'était les vacances, il a peut-être été boire l'apéro, t'en sais rien. Enfin, c'est pas parce que je vais boire un verre avec une meuf que je vais me la faire ou qu'il se passe un truc. Bah moi j'essaye, hein. Ouais, non mais d'accord, mais voilà, après tu peux très bien aller boire un verre avec une meuf ou avec un mec sans pour autant qu'il se passe un truc ou que t'as envie de lui monter dessus ou de la démonter, enfin voilà. Ah si, moi j'ai toujours envie de toi, d'accord, mais... J'entendais des cris, des pam pam pam, non, ouais, mais dans les campings, il y a des tentes, ça se trouve, c'est ça que t'entendais. Hein. C'était quelqu'un d'autre, ça se trouve. Ah oui, c'était ta personne à côté. Ça se trouve, c'était ta meuf qui se faisait tirer à côté. Ah oui, peut-être. Non, c'est pas possible. Et là, c'est le beau-père, donc c'est le mec que t'es en train d'accuser qui va nous appeler en disant putain, moi je m'entends bien avec le beau-fils. Tu veux qu'on l'appelle? Appeler qui, le beau-père? Le beau-père. Bah moi je veux bien, mais il faut que tu lui parles, toi. Moi je connais pas le mec. Ouais, allez. Bon, bah d'accord, bah, t'as le numéro, t'as donné le numéro à Sandro ou pas? Ouais, moi j'ai le numéro. Ah, toi oui, bah attends, je te repasse. Ah merde, du coup il a recherché dans son répertoire, ça a coupé, on va le rappeler dans quelques minutes. Et bah on va essayer d'appeler le beau-père en direct. Mais oui. Même si j'ai peur que ça ne décroche pas, dans le pire des cas c'est pas grave, on appellera demain. Il y a Emily qui dit aussi, le découper c'est peut-être un peu radical comme solution. Bah non. Non, moi je trouvais bien cette solution. Ouais, je trouvais cette solution effectivement plutôt bonne, moi, non, personnellement. Voilà. T'as déjà grillé, toi, des parents et frères et sœurs d'une de tes meufs, Tof? Moi, j'ai jamais grillé vraiment des gens. Non, je me suis mal exprimé. Est-ce que tu t'es déjà fait griller par... Ça, oui, très souvent. Voilà. Très souvent. Je m'étais mal exprimé, oui. Excusez-moi, je mérite un coup. Oui. Non, ouais. Si, ouais, ça m'est déjà arrivé plein de fois de me faire griller. Et alors? Bah, à chaque fois, faut que je trouve un truc pour expliquer, pour trouver une solution. Il s'en sort pas, il se noie, et puis voilà. Ouais, mais au final, c'est ça qui est bon, c'est de se noyer. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'une fois que t'es noyé, après, tu peux que remonter, quoi. Une fois que t'es sous l'eau, tu vois, après, normalement, tu remontes, quoi, si on arrête de te mettre la tête dedans. Ouais, et puis au final, bon, c'est pas grave, tu perds une meuf, ça fait. Mais oui. T'en retrouves une autre après. Mais oui. Tu sors des vieilles excuses pourries de fou complètement. Que tu ne peux pas croire. Exactement. Mais les meufs, elles s'en foutent, elles le croient. Et totalement. C'est ça qui est bon. Totalement. C'est ce que j'ai dit, hein, les meufs n'aiment que les cons. Non, pas toutes. C'est les pas toutes. Persuasion. Ouais, de pire. Ouais, mais regarde-toi, si tu sortais avec un con, au moins t'auras un mec. C'est vrai. T'as vu? Je m'en fous, j'ai rencard samedi. Mais ouais, bah t'emballes pas. Ouais, ah, bah si, parce que t'as un rencard avec lui. Si. Bon, Anthony, on a le numéro du beau-père là. Bon, bah on va l'appeler, ouais. Alors. Hein. Allez, vas-y, tu parles, Anthony, et nous on est derrière, et tu risques effectivement de perdre ta copine parce que si lui après il le vit mal. C'est un peu chaud. C'est un peu non, chaud, mais t'as raison, faut l'appeler. C'est ouais, bon. Faut allez, lui dire la vérité. Vas-y. Il a mérité de savoir. On est des enculés ou pas là? Non. Bah, je trouve. Il est dans le puits avec la mère à côté et tout. Ouais, avec la maîtresse. C'est chaud. Peut-être les deux. L'autre, il l'appelle à 2h du mat. Allô? Allô? Oui, Stéphane? Ouais, c'est Victor. Oh, mon BO, comment tu vas? Ça va. Il a une voix bien jaune, hein, je trouve. En fait, j'avais une question à poser. Dis-moi. C'est pas ça, c'est que le mec, il l'appelle à 2 du mat. Tu sais quand il était parti au camping cet été? Oui. J'étais aperçu entrer dans une caravane. En fait, je me posais plein de questions. Non, voilà, en fait, je voulais pas t'en parler. Quelle caravane? Non, c'est vrai. C'est laquelle, mais voilà, c'est vraiment, je suis pas bien, tu vois que je tremble un peu, mais voilà, je sais vraiment pas. Tremble pas, dis-moi. Non, mais c'est pour savoir. Savoir ce qui s'était passé dans la caravane avec, avec cette dame. On dirait un mafieux corse. Mais quelle dame, de quoi tu me parles là? C'était, ben je sais pas, je t'ai vu rentrer dans une caravane. Me fous de moi là, tu me fais une blague, c'est pas possible. Non, non, non, non, non, mais écoute, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Écoute-moi, et... je vais parler, écoute-moi. Tu es en train de d'insinuer que je trompe ma femme. Ben non, en fait, ouais, je pensais un peu à ça en fait. Ah, tu penses à ça? Ouais. Et c'est à 2h du matin que tu m'appelles pour me dire ça. Ah oui. Moi je bosse à 10h. Ah oui, si, quand même. Ouais, mais en fait, je savais pas quand est-ce que vous pouvez parler, en fait. Bah, 2h. On va parler à 2h du matin, comme ça. Eh ben, mais bon. Okay. Moi, je pensais que c'était un moment où on pouvait parler et qu'il y avait personne qui pouvait entendre, parce que si ça se trouve, c'est faux ou si c'est vrai, je sais pas. Je pense qu'il vaut mieux pas qu'on lui dise qu'on est sur fun. Non, non, moi, je vais mettre les choses au clair tout de suite. Hein. C'est si tu t'amuses à parler de quoi que ce soit à ma femme ou à ma fille, on n'est pas là. Je te casse la tête, tu m'entends? Je te casse la tête, moi. Je rigole pas avec ça. Hein. Commence pas à inventer n'importe quoi, moi je te le dis. Tu as rien vu. Je suis rentré dans une caravane. De où je suis rentré dans une caravane? Même si je rentre dans une caravane, qu'est-ce que tu as essayé que je fais quelque chose? Non, mais c'est pour ça que je demandais. Oh, il est chaud. Ouais, ouais. Moi je te dis, fais attention à toi, mon petit. Hein, parce que je sais où tu habites. Et ne t'inquiète pas. Hein. Ouais. Et moi, non, mais c'est juste pour ça. Tu sais que je suis monté derrière moi. Tu sais que j'ai peur. Je m'énerve, mais c'est normal que je m'énerve. Tu entends ce que tu me dis à 2h du matin? Tu veux pas que je m'énerve? Ouais. Tu veux quoi? Je te crache sur la tête et que tes cheveux de rouquin de merde? Ouais, ça va. Bon, allez. Au petit con, va. Ouais, moi, j'ai rep. Oh, la violence! Eh ben, il est bien ton beau-père, Anthony, là. Tu veux qu'on le rappelle ou pas? Ouais, ouais, non, mais... Attends. Oula, je suis pas bien, excusez-moi. Bah ouais, mec, tu non, vas mec, jouer, voilà. Attends, à 2h, là, attends, plus tu le chauffes, là. Déjà, moi, j'avais dit, c'est ton business, hein. Rouquin de merde. Ah bah oui. Moquez pas des rouquins, hein. Non, pas du tout, Anthony. Mais comment on sait que t'es roux, maintenant, on va se quitter, hein. Enfin, c'est surtout qu'on voudrait pas qu'il sache que t'as fait ça en direct sur Fun, quoi. Bah oui, d'accord. Oui, c'est pour ça que j'ai rien dit, parce que je pense que t'aurais pu prendre beaucoup plus cher si on avait dit ouais, t'es sur Fun Radio. Je pense que puis nous aussi on aurait été incendié, donc c'était pas la peine. Par contre, ce serait bien qu'on l'appelle éventuellement pour lui demander s'il a déjà fait l'amour en mangeant. Tu veux l'appeler ce soir tout de suite là, ou tu veux le garder pour demain? Bah, je sais pas. Bon, on va le garder pour demain. Ouais, parce je pense que ce soir. Vengez-moi. Ouais, mais alors demain, on va plutôt faire ça demain. En plus, je serai à côté de lui. Je vais. Bah, parfait. J'espère que ça va bien se passer. Ah, bah, à mon avis. Ouais, si t'es voilà. Encore vivant, parce que là, ça me paraît plutôt compromis. Hein. Là, j'appréhende. Bon, je pense pas que devant ma copine et devant la mère, il va dire quelque chose. Mais j'appréhende le moment où on va être que tous les deux, en fait. Bon, bah, écoute, j'espère pour toi, en tout cas. Anthony, on te rappelle demain pour avoir. Tu le vois à quelle heure? Moi, je le vois à 15h. Très bien, alors on va te rappeler demain soir, hein, pour voir comment ça s'est passé. D'accord, ça va. D'accord. Allez, courage, hein, sois allez, fort. Allez, ça va aller, hein, Anthony. Hein. Ouais, mais merci beaucoup. Et si allez. Ça va pas, Xanax, hein, ça va t'aider. Pour t'inquiète. Oh là, il faudra plus, là. Salut, Anthony. Il fera des pansements, surtout. Ouais, putain, mais la violence du beau-père. Oh là là. Eh, tu dis, c'est le stagiaire qui a mis le numéro. Hein. Ah ouais, bien sûr, mais nous, on balance le stagiaire. Les preuves qui bossaient. Ah bah, toi, fais le stagiaire, hein, ils vont aller se faire démonter par le Corse ensemble, là, ça va être parfait. Bon, violence. Ah bah non, mais quelle violence, c'est clair. Bon, 1h59, dis donc, pour le fond, on est à l'heure. Attention, top tweetos. Ah ouais, comme ça t'es direct toi. Bah oui, attends, il y a l'SB Flux aussi qui dit oh la violence, il menace et tout. Et puis Emily qui dit aïe, j'avais dit que c'était pas une bonne idée de l'appeler. Bah oui, je l'avais dit aussi à un moment, hein, que c'était peut-être pas forcément la meilleure idée qu'il ait eue. Mais bon, après, il a voulu qu'on l'appelle, on l'a appelé, hein, c'est pas un problème. Bon, top tweetos, numéro 5. Nanu. Qui a perdu les plumes, hein. Ouais, t'as 3 places. Ah ouais, dommage, elle était deuxième. Numéro 4. Morgan 88S qui vient d'arriver dans le classement ce soir. Numéro 3. Safraja qui elle aussi vient d'arriver dans le classement ce soir. Ouais. Numéro 2. Storm Dreamer et puis number 1. Let's be free. Et bah voilà. Donc Storm Dreamer qui a réussi à bien monter mais qui n'a pas tenu malheureusement sur la longueur. C'est dommage. Bon, et il y a Fabien aussi sur le Twitter qui demain il est mort. Oui, ça c'est sûr. Nati Dance qui dit aussi oulala, ça craint, lol. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Cédric, il est magique, il vient de se faire mettre un contrat sur sa tête. Ah ouais, c'est vrai. Mais le pauvre. Non mais c'est vrai. Et puis il y a un message aussi qui dit Morgan 88S, c'est-à-dire qui dit c'est comme que l'éléphant a pété. C'est comme que l'éléphant a pété. Ah, j'ai dû rater une conversation, à mon avis. Hein, mais c'est pas grave, Morgane, y a pas de problème. Bon, mais nous, on se retrouve demain à partir de 23h en pleine forme avec générique. D'abord, évidemment, on va pas se quitter sans le générique de fin. Attention. Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. 3, bien sûr. 4. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. T'as te sucer toi l'enculé. Un enculé t'en ton nom, 80 personnes qui comme toi. Ta gueule de merde. Toi l'enculé. C'est toi qui encule ton nom. T'es un enculé. Tu ne veux plus dormir. T'as mangé 80 personnes toute la journée. Qu'est-ce qui se passe? Je suis plus de vous. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? C'est vrai? Mais oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Que veux-tu? Ils sont canadiens. Je ne vois pas le rapport, hein, personnellement, hein, mais vraiment pas du tout. C'est le pourri de bâtard. L'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer, toi ton nom, viens l'enculer. Oui. Oui, tous les deux, on est des enculés. Eh ben voilà, merci Lilou. Comme d'habitude au taquet, bien entendu, bien entendu. Bon, eh ben passez une bonne nuit tout le monde. Un générique est passé. On revient demain en pleine forme, évidemment, à partir de 23h sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait de la merde. C'est JB. Ah oui, j'ai fait de la merde. Excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Alors attention, on recommence. Je disais... Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. 23h, 2h. Mickaël, nos limites. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Exactement, ouais, exactement. Et bah oui, je m'étais trompé de bouton, ce sont les choses qui arrivent. Oh, oui. Même au meilleur. Oui. Bah oui. Bah bien sûr. Bah et voilà, évidemment. Bah, j'ai vu un truc bizarre. JB, quand il est passé dans le couloir, là, on a une grande vitre entre le couloir. Il est arrivé, il a vu Sandro, il a tiré la langue, c'est genre. Ah non? Ah si, arrête, ton cinéma, je l'ai vu. Ah bon? Ah oui. Ah oui, oui, oui, oui. Bah écoutez, C'est ton record de samedi? Ah, le record samedi? Ouais. Un record. Non, ouais. Parce qu'apparemment, il couche avec Susan Boyle. Ouais. Ah bon? C'est ce que j'ai vu sur Twitter hier soir. Ouais, non, mais à 5h du mat, c'est devenu Selena Gomez. Ouais, ouais, mais enfin, en attendant, tu t'es tapé comme Susan Boyle au début. Et hein. Alors, t'es jalouse? Non, pas du tout. De Susan Boyle, non, de Selena Gomez, j'aurais pu. C'est un bon coup, Selena Gomez. Hein. Ah, je crois que Susan Boyle, t'allais me dire. Et Susan Boyle? Bon, ça va. Ah, ouais, d'accord, ok, très bien. Elle est ouverte. Elle est ouverte, bien sûr, c'est ça, ouais. Bon, bah, c'est JB que vous avez retrouvé maintenant jusqu'à 6h du mat, l'arrivée. Bruno. La France. La France. Qui a gagné d'ailleurs ce soir, hein, 3-0. Oui. On était au stade avec une partie de la Team Fun Radio. Non. Si. Pendant qu'il y a des chiens comme nous qui bossent. Eh ben, on qui a bossons, pardon. Ah, bah, ouais, mon cul, ouais, c'est ça, ouais. Non, alors. Et, quand ils ont ouvert la bouteille de champagne, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Non, véridique, on est tombé en plus sur des auditeurs, ils nous ont dit, ouais, on est déjà venu avec Mickaël. Alors, je sais pas pourquoi, quand, où. Mais bon. Bah oui, c'est des mythos alors. Ils vous connaissaient, voilà, ils vous connaissaient. Ah oui, peut-être qu'on se connaît, mais de là à ce qu'on a été voir un match de foot, ça m'étonnerait. Hein, ça ah fait non, bien non, ils sont venus en studio, vous voir. Ah, ah d'accord. Oui. Non, bah oui. Ok, parce que moi, la seule fois où j'étais au Stade de France, c'était pas pour regarder un match de foot. Hein. C'était pour un c'était pour un concert. Non, Metallica. Ah, d'accord. C'était presque, mais c'était pas pareil. Quoi. Ah bah, voilà, c'est un grand artiste dance floor. Hein. Ah bah totalement. Attention, un grand groupe dance floor, Metallica, bien sûr. Bon, ben bah, bonne nuit, JB. Allez, bonne nuit. Et tu vas coucher avec qui ce soir? Avec Toff. Eh, mettez-le en top tweet. Voilà. JB couche avec Toff. Ça va être bien. Avec ça. Plaisir. Je vais le préparer en anal. Mais oui, j'adore. On va s'écouter quoi là? Ce que tu veux, Avicii si tu veux. D'accord, eh ben, on va se faire prêter un de mes sons préférés de l'été, tiens. Ah. Ah bah attends, j'ai kiffé moi le morceau de cet été. Ah non mais oui. Quoi, t'aimes pas ça, t'aimes si. Pas un morceau qu'on passe sur Fun? Ah si, j'adore. Ouais. Choisi par Jérôme. J'adore. Alors. Allez, Capital Cities maintenant, c'est Stephen Sand. On a demain 23h, merci à tout le monde sur Facebook et Twitter.